C'est lundi, on est le 15 octobre, qu'on amène le coq. Il est pile 6h. 6h. Pourquoi je parle comme ça? Bienvenue sur Énergie, on va écouter Calvin Harris, ça arrive juste après les infos et dans 10 minutes. Parce que si vous vous réveillez ce matin vous disant Oh là là, je suis pas bien, je joue bien. Et ben sachez qu'il y a pire que vous. Ça s'appelle les concours du jour et ça arrive dans 10 minutes. Tout de suite les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Au programme cette semaine, du soleil, parfois des éclaircies, très souvent de la pluie et aussi par moments. Météo variée donc sur la France, à commencer par aujourd'hui. Des averses dans la moitié ouest ce matin. Cet après-midi, le ciel bleu va régner au nord d'un axe Bretagne-PACA. Et si vous êtes au sud, en revanche, vous aurez droit aux nuages et à quelques gouttes en principe. Les températures incroyablement douces pour la saison. 16 degrés à Sedan, 19 à Perpignan en ce moment. Au max, on aura 19 degrés à Limoges, 22 à Lille et 23 à Mulhouse aujourd'hui. Il va donc encore pleuvoir dans le sud. 6 départements restent en vigilance. Vigilance pluie inondation avec des cours d'eau en crue déjà de la Haute-Garonne à l'Hérault en passant par les Pyrénées-Orientales ou encore l'Aveyron. L'école au cœur des préoccupations aujourd'hui avec tout d'abord les résultats des évaluations en primaire. La moitié des élèves ont des difficultés avec le calcul mental en CE1. Ils sont 30% à connaître également des soucis de lecture. Les profs doivent maintenant rencontrer les parents pour leur proposer des solutions d'accompagnement personnalisées pour leurs enfants. Sinon, le ministre présente aujourd'hui sa nouvelle loi sur l'éducation. 24 mesures au total dont l'école, ou plutôt l'instruction obligatoire dès 3 ans contre 6 actuellement. Il y a aussi la création d'un nouveau système d'évaluation du système scolaire. Les paris sont lancés après de nombreuses promesses, des retards et un week-end studieux. Le remaniement du gouvernement devrait bel et bien être annoncé rapidement, sans doute aujourd'hui ou demain. Il faut toujours remplacer Gérard Collomb, parti du ministère de l'Intérieur il y a 2 semaines. Dans l'actu également, le 39-19. Si vous ne le connaissez pas, vous allez certainement entendre parler. Une grande campagne de com est lancée aujourd'hui à la télé, notamment son but, faire savoir aux femmes qu'elles ont maintenant un numéro de téléphone gratuit à composer lorsqu'elles sont victimes de violences. Au bout du fil, des professionnels capables de donner des conseils pour sortir d'une situation de détresse. Le sport et le rugby avec une sale journée pour les clubs français en Coupe d'Europe hier. 3 défaites en 3 rencontres. Toulon et Lyon ont perdu à domicile alors que Castres s'est incliné à l'extérieur. La prochaine journée de la phase de poule prévue dès ce week-end. La saga continue, Fast and Furious. Le 9 sortira en avril, 4 mois avant un spin-off très attendu. Spin-off dans lequel on retrouvera Dwayne Johnson, alias The Rock, et Jason Statham dans leurs rôles respectifs. Mais aussi Idris Elba, un petit nouveau. L'acteur déjà vu dans Avengers ou Star Trek jouera en fait le méchant. Et vous retrouvez les premières photos dans son costume sur les réseaux sociaux ce matin. À voir donc l'été prochain au cinéma. On termine avec La Vie de Rêve, le nom du nouvel album de Big Flo et Oli, prévu pour le 23 novembre. La pochette a été dévoilée hier soir. Une photo de famille avec les deux frangins toulousains et leurs parents il y a quelques années. Big Flo et Oli sont nommés évidemment aux Energy Music Awards cette année. Vous les soutenez bien sûr sur energy.fr ce matin. 6h03, c'est la fin de ce flash. Bon réveil, bonne matinée, on est lundi 15 octobre et vous retrouvez Manu dans le 6-9 sur Energy. Bonne journée. Youpi, c'est lundi. Bonjour Paulette. C'est la fête. Bonjour Glandu. On s'étire. Bonjour Nico. En voiture Simone. Et bonjour papa. Ah ouais. Quoi? Ouais. En voiture Simone, il m'a dit Nico. Elle est pas mal. En voiture Simone. Alors, on l'utilise peu cette expression. On l'utilise plus parce que je crois qu'elle est interdite. C'est la première loi qu'a fait passer Macron, je crois. En voiture Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. C'est ça l'expression longue. Et Claudio rajoute. Et aussi, t'occupes pas du vélo, c'est moi qui pédale ou je sais pas quoi, non. Ah, celle-là, je la connais pas. Parce que je suis plus vieux. Simone, telle sera la phrase de ce lundi 15 octobre 2018. Soyez les bienvenus sur Énergie. Si vous n'avez pas encore zappé, on est désolé, on est là. Pour vous, pour démarrer cette journée, vous pouvez venir avec nous. Il y a plein de façons de venir avec nous. Chaque matin, il y a le téléphone, c'est le 0870 42 48. Il y a les réseaux sociaux, il y a Facebook, il y a Twitter et il y a l'application, évidemment. L'application Manu dans le 6-9, vous pouvez nous envoyer des messages vocaux pendant toute l'émission. On les écoute et on les partage avec vous. On va s'écouter Calvin Harris dans 2 minutes. Mais avant ça, les amis, c'est lundi, et quoi de mieux? Un lundi, pour démarrer la journée, que de découvrir un nouveau mot. Ah oui, ah, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Le principe est simple. Je vais vous donner un mot. Chacun votre tour, vous me donnez la définition de ce mot, celle que vous pensez être la bonne, évidemment. Ouais. Et ensuite, je vous dirai la vraie définition du mot. Peut-être que vous la trouverez. Bah oui. Ouais. On y va. Le mot est chancissure. Chancissure. Alors, c'est un nom féminin. C'est un seul mot. C-H-A-N-C-I-2-S-U-R-E. Une chancissure. Mais qu'est-ce qu'une chancissure, Isabelle? Alors moi, je pense qu'au Moyen-Âge, le mot chance ne devait pas exister. Et du coup, on disait avoir de la chancissure. C'est joli. Ouais. Mais diantre diable, je n'ai point de chancissure au combat. Exactement. Ça se tient. Chevalier Manu. Très très bien, de la chancissure. Nico. Moi je verrais plus une expression genre en vieux français. Genre ça veut dire j'en suis sûr. Écoutez, chancissure. C'est une expression genre du sud de la vieille France. Alors là on parle, voilà, ça, c'est le Moyen-Âge du sud. Voilà, parce qu'ils avaient un accent aussi à l'époque. Hein. Eh oui, j'en suis sûr, Je ne suis sûr. Eh oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est pas ça. Alors non, aucune des deux. Hein. Ouais. Non. On continue, Glandu, une proposition. Je vois bien une sorte de baie, une chancissure, une baie qu'on trouverait dans, à l'est de la France, forêt vosgienne. Tu n'es pas obligé de rajouter des... Est de la France, forêt vosgienne, une baie que... Moi, oula. Qui a l'air appétissante en apparence. Vous remarquez que même le micro de Glandu s'est éteint. Le micro de Glandu s'est éteint tellement ça commence à venir avec chance. Ah, on s'est rendu compte lui-même. Ça a l'air appétissant en apparence, mais ça a des vertus un peu hallucinogènes comme ça. La chancissure. C'est une baie qu'on trouve dans la montagne. Dans les montagnes, en milieu montagne. Ah, moyenne altitude. Ouais, parce qu'elle pousse pas au-dessus de 2000. Alors, t'emmerdes pas, c'est pas ça. On va tenter Paulette. Qu'est-ce qu'une chancissure? Alors, je pense que c'est le fait d'annoncer son amour en chanson. De genre, il m'a révélé son amour en chancissure. Ah oui. Ah, c'est bon ça, ouais. Wow. Genre Roméo et Juliette. Exactement. Oh. Putain, c'est la plus crédible de toutes, quoi. Ouais. Une chancissure. Ah oui, il y a le mot chant, effectivement, oui. Ça se tient. Alors, c'est pas ça du tout. Ah, oh, bah, sois pas déçu, je t'y attendais. Hein. Une chancissure, les amis, vous pourrez l'utiliser aujourd'hui au travail, vous pourrez l'utiliser chez vous. C'est quoi? Une chancissure, c'est un mot qui existe vraiment. C'est en fait une moisissure. Oh. Ah, j'étais pas loin. Ouais. Et voilà, une moisissure, une chancissure, c'est pareil. Ouais. Ouais. On peut l'utiliser, ok, mais si c'est en parlant de toi, c'est compliqué. Bah, si au travail. Ah, si. J'ai un bon exemple. Ouais. Ouais. Après 8 mojitos, Glandu est une vraie chancissure. Oh là là. Ah, c'est nul. Ah ouais, ça marche. Eh oui, ça marche. Allez, 6h07, Calvin Harris sur Énergie. Juste après, c'est les concours du jour, des gens improbables qui font des choses improbables. Are you drunk or not? Gonna judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. Tonight. promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Bienvenue sur Énergie, il est 6h10, on va s'écouter le dernier Soprano. Ça arrive dans 5 minutes, il y aura aussi Dino Roggi, Agostino avant 6h30. Et on va parler de notre week-end. Ah ouais. Venez nous raconter votre week-end, mais alors attention, comme on le fait de temps en temps, vous nous racontez votre week-end avec un trou dedans. Ce week-end, je me suis fait... À nous de découvrir qu'est-ce qui se passe dans ce et après vous nous donnez la réponse. Okay. 0 870 42 48, vous pouvez nous appeler maintenant ou pourquoi pas nous envoyer des messages sur l'application Manu dans le 6-9. Mais pourquoi pas, ou pourquoi pas nous envoyer des messages sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9. Pourquoi pas, ou pourquoi pas se dire tiens il me saoule et éteindre la radio. Oh non, pourquoi pas. Alors, faites comme vous voulez. Mais ça nous emmerderait quand même et c'est un petit peu vexant. 6h11 avant tout ça, voici les concours du jour. Des gens improbables qui font les choses improbables, comme chaque jour je vous raconte leurs histoires. On démarre aux États-Unis. Un homme est arrêté pour avoir tiré sur son cousin à la carabine. Alors le cousin va bien, sachez-le. Il a pu expliquer à la police pourquoi l'autre avait fait ça. Attention, je cite le mec. Mon cousin m'avait dit que si je touchais à ses chips au vinaigre, il me tirait dessus. Et non, j'y ai touché. Quoi? Oh là, mec. Alors le cousin qui a tiré risque quand même la prison pour tentative de meurtre. Ouais. Bah oui, ouais. Ça va être sympa quand même les repas de Noël chez eux. le mec il est au niveau de son assiette, il est touchy. Ouais, mais il avait prévenu, circonstance atténuante. Non, mais quand même. Il avait dit. Oui, mais alors ça ne marche pas, sa glandule. Ah, non, bah tu te balades dans la rue, tu dis si je traverse et que tu t'arrêtes pas, je te tire dessus par exemple. Non, ça fonctionne pas. Il est pas avocat, glandule. Non, d'accord. Non, je vais tenter. En revanche, si la question est-ce qu'il est dangereux, oui là. En tout cas, si vous croisez ce mec, si vous avez un premier rendez-vous avec lui, touchez pas ses frites. À Marseille, un homme est arrêté par la police en pleine nuit alors qu'il se balade avec un gilet jaune de sécurité. Pourquoi il se fait arrêter? Parce que c'est tout. Il est à poil, avec un gilet jaune de sécurité. Alors l'explication, je cite le bonhomme. Des voleurs m'ont pris tous mes habits et m'ont donné un gilet jaune pour ma sécurité dans le noir. À la sécurité avant tout. Évidemment. En attendant. Toujours, c'est crédible, enfin. Et pourtant, la police n'y a pas cru, ils l'ont emmené au poste. C'est en Normandie, 4 hommes dans un Intermarché cachent des produits de beauté sur leurs vêtements. Pour les voler, évidemment. Ils voient un client qui les voit. Il voit. Ouais. Du coup, ils lui font un clin d'œil. Genre, ok, tu nous as vus, mais chut. Ouais. Sauf que le client, c'est un gendarme qui appelle discrètement ses collègues. Les 4 se sont fait arrêter. Oh non. La question, c'est avant qu'il monte dans le fourgon, est-ce que le gendarme leur a fait un clin d'œil? Allez, 6h13, on revient tout de suite. Ça, c'est le nouveau Soprano, ça arrive pour vous dans 3 minutes sur LRG. Bon réveil, bienvenue. Manu dans le 6-9. C'est Manu et les ouin-ouin qui, en sortant de leur bain, se secouent les bas des reins et font ouin-ouin. Énergie. Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Afraid to be alone again, I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe, oh. Is there somebody who could help me? It's

réveil sur Énergie, il est 6h20. On va écouter Gigi Lagostino et Dino. Ouais. J'aime bien dire Gigi Lagostino. Ouais. Ok. Ça arrive bon pendant 3 minutes, mais avant ça, on raconte notre week-end avec un petit truc en plus. Ouais. On raconte un truc qui s'est passé ce week-end. Et dans la phrase, il y a un trou. À nous, aux autres, de trouver ce qu'il y a dans ce trou. Ouais. 0870 42 48. On démarre avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Salut Manu, salut les moins. Salut. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Alors, ce week-end, j'ai vu une énorme et j'ai été impressionnée. Oh. Bon, alors, évidemment, tu veux qu'on tombe dans le panneau, mais je vais y aller quand même. Une énorme truc sexuel. Ça aurait pu, mais non. Ah, une énorme tarte aux pommes. Il y a des concours. Non. Il y a des concours, j'y vais souvent. Ouais, c'est vrai, j'adore. Il y a une dernière proposition. Nico. Une énorme chute. Non plus. Oh. Ah. Bah, qu'est-ce que t'as vu d'énorme ce week-end? Je peux le dire? Bah ouais. Oui, bah, si tu le dis pas, c'est bon. J'ai vu une énorme montgolfière et j'ai été impressionnée. Waouh. Ah. Ah. Ah. Ouais. Ouais. Ok. Tu sais quoi, tu nous as bien eu. Ouais. Rappelez-moi le week-end prochain, ça sera peut-être autre chose. Ah, voilà. Ah ouais. Là, Nathalie, tu nous intéresses. Tu vois, j'ai envie de te dire sans faute. Mais j'ai eu la chance d'en faire également. J'ai fait mon baptême de l'air. Ah. Oui, non, attends, dis trop là, ça devient vraiment. Non, parce que là, si on se dit qu'on a une discussion sur la montgolfière, c'est vraiment qu'on est dépressif. Hein. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Nathalie. Votre week-end avec un trou dedans, Nico. Ce week-end, j'ai vu la de ma belle-mère. La culotte. Oh non. Oh là là. Bah ouais. Non. Oh non. Oh la culotte. Oh, c'est nul le jeu, c'est trop facile. Non mais attends, c'est quoi? Comment? J'ai dit ça pour déconner. Ah bah non, c'est vrai, j'ai vu la culotte de ma belle-mère. Mais raconte. Ouais, bah en fait, elle était chez nous. Non, raconte pas. Non. Je l'ai pas ramené. Manu. Je l'ai pas ramené, mais j'aurais pu parce qu'en fait, elle était à la maison ce week-end et elle a fait une machine et c'est moi qui l'ai tendue. Mais je savais pas qu'il y avait des affaires à elle dans la machine. Ah, non. Donc c'est bizarre, je trouve une culotte, je dis c'est chelou, donc j'appelle ma femme, je dis Diane, c'est à toi. Et elle me dit bah non, c'est à ma mère. Très bizarre. Très ouais. Curieux quand même. Et elle était comment la culotte? Ah bah elle était un truc dentelle classique quoi. Ah ouais, mais une vraie culotte en revanche, tu vois, pas un tanga, pas un truc. La culotte quoi. Ouais, la vraie, la vraie culotte. Et là ça va vraiment trop loin avec ta belle-mère. Mais non, mais non. Là, il faut arrêter vraiment. Alors, j'étends la machine. Tu sais, je préfère cette discussion à la montgolfière. Même si j'ai rien contre toi, Nathalie. Hein. Merci. Votre week-end à trop. Allez, on y va, Isabelle. Dimanche matin, mon mec m'a sous la douche. Oh. Ah. J'ai un mot, mais je le ferai pas. Gordu. Savonner. Non. Caresser. Non, Manu. Ah, Nico. Il t'a fait peur? Bah non. Oh. Bah, il t'a fait quoi alors? Il m'a chatouillé parce qu'en fait, on s'était engueulé. Ah. Mais non, mais... Oh, tiens, bouge pas. Nathalie, t'es toujours là? Oui, je suis toujours là. T'as quelqu'un emmené en montgolfière le week-end prochain? Toi, Manu. Ah oui, pourquoi pas. 6h24, on va s'écouter Dinoro et Gilly Giagostino. Soyez les bienvenus sur Énergie. On peut continuer un petit peu. Ah, oui. On se raconte notre week-end avec un trou dedans. J'aime beaucoup. Bienvenue. This is what we're waiting for. In our-

Zoé City en location longue durée 37 mois, 22 500 km, premier loyer de 2000 euros plus 36 loyers de 99 euros. Si accordiaque, sous condition de reprise hors location batterie. Loyer batterie à 39 euros hors mois de livraison. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 octobre. Voir conditions sur Renault.fr. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Bienvenue sur Énergie, il est 6h32. Oui, on est en retard, ça veut dire que c'est nous. Tout va bien. On va écouter Vita et Slimane et les sondages du matin arrivent dans moins de 10 minutes. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Le sud en état d'alerte ce matin à cause de la pluie. On va faire le point, sinon la journée sera plutôt très agréable dans un large quart nord-est. Pour l'ouest en revanche, les prochaines heures s'annoncent plutôt nuageuses et humides. La semaine en tout cas se présente bien. Les températures restent assez chaudes. Cet après-midi fera par exemple 21 degrés à Toulon, comptez 23 à Lille, 23 aussi au Mans. Ils sont 7 départements en vigilance pluie inondation ce matin, de la Haute-Garonne à l'Hérault en passant par l'Aveyron et les Pyrénées-Orientales. Mais c'est l'Aude qui inquiète le plus. Vigilance rouge en raison des crues importantes. De nombreuses routes sont coupées, des villages sous les eaux ce matin. La préfecture demande d'ailleurs d'éviter tout déplacement. Le transport scolaire est annulé ce lundi à Carcassonne. La pluie attendue dans les prochaines heures devrait encore aggraver la situation. L'école en question, le ministre de l'Éducation a dévoilé hier les premiers résultats des évaluations primaires effectuées il y a quelques semaines. Sans trop de surprises, on se rend compte que les élèves de CE1 ont des difficultés en maths. La moitié d'entre eux maîtrisent mal le calcul mental. Des problèmes de lecture également au même âge. Maintenant, c'est donc aux profs de rencontrer les parents pour leur proposer des solutions d'accompagnement personnalisées. Un drame hier en Seine-Saint-Denis. Un ado de 12 ans a succombé à ses blessures. Il a été violemment frappé à coups de barre de fer en fait samedi lors d'une bagarre entre bandes rivales au Lila. Un autre participant emmené de force dans une voiture a pu rentrer chez lui quelques heures plus tard après avoir été agressé également. Le sport, le rugby débute très difficile pour 3 clubs français hier en Coupe d'Europe. Toulon, Castres et Lyon se sont inclinés pour leur entrée dans la compétition. Il faudra donc rectifier le tir dès le week-end prochain pour la deuxième journée de la phase de poule. À eux deux, ils cumulent 4 nominations au prochain Energy Music Awards. Slimane et Vita signent l'un des hits de l'automne avec Je te le donne, leur première collaboration. Un titre que l'on retrouvera le 26 octobre sur la réédition de Solune, le deuxième album du chanteur. Il y livrera également quelques inédits avec une nouvelle orientation musicale. Écoutez. C'est un peu particulier avec cet album parce que j'avais déjà mis 18 chansons, je crois. Plus que dire des choses en plus, c'était entendre des choses en plus. Il y a un des titres qui s'appelle Roméo, c'est un titre qui est assez particulier. Dans le sens où je crois pas qu'on m'attende forcément sur ce genre de titre. C'est une chanson un peu plus urbaine que d'habitude, un peu plus up. C'est des sonorités que j'aime de plus en plus. Et il y a une autre chanson qui s'appelle Nous Deux, qui est juste l'histoire d'un de mes potes et que j'ai faite pour lui remonter le moral. Et à force de l'écouter, je me suis dit que si elle pouvait remonter le moral d'autres gens, ça serait pas plus mal. À chaque chanson, finalement, on raconte une nouvelle histoire et on donne encore un peu de nous. Et c'est ce que j'ai fait encore une fois, je crois, en tout cas dans cette réédition. Voilà pour Slimane au micro de Morgane Barthélémy. Il sera en lice pour The Energy Music Awards, direction energy.fr comme d'habitude pour le soutenir. 6h34, fin de ce flash, on est lundi 15 octobre. Bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Energy. Juste après Vita et Slimane, c'est le retour des sondages du matin. Et attention, je vais vous révéler la lettre de l'alphabet la plus détestée. Ah ouais, révélation. Il y a eu un sondage là-dessus. C'est génial. Il y a vraiment les mecs qui n'ont rien d'autre à foutre. Et merci à eux parce que ça nous fait des bonnes émissions. La lettre de l'alphabet la plus détestée par les Français, ça arrive pour vous dans 3 minutes, ce serait con de louper ça. Avant ça, on continue un petit peu à parler de notre week-end avec un trou dans la phrase. Le principe, il est simple, on raconte un truc qu'on a fait ce week-end. Il y a un trou dans la phrase, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce trou ? Allez, on démarre, on continue. Paulette. J'ai rencontré un mec dans une soirée ce week-end qui m'a dit qu'il voulait être mon mm-hmm. Et j'étais ultra choquée et j'ai fui tout de suite. Voilà. Ton fiancé ? Non, non. Ton petit frère ? Bah c'est chelou, non ? C'est bizarre de vouloir devenir le petit frère de quelqu'un. Ouais, j'aurais aimé avoir une sœur comme toi. Oh, oh oui, ça aurait été sympa. Alors, à ce moment-là, peut-être ton père ? Non. Non ? Voilà. C'est quoi la phrase exacte ? Répète. J'ai rencontré un mec dans une soirée ce week-end chez une amie et il m'a dit qu'il voulait être mon... Ah, mm-hmm. Si ! Ton père de ton enfant. Non. Ah, bah, ça aurait... ça aurait été un peu rapide. On se connaissait pas. Bah oui, mais justement, c'est pour ça que tu peux être choqué. Ton gourou. Non plus. Non, c'est encore plus chelou. Ah ouais. Plus chelou que le gourou. Ton dieu. Non, pas mon Dieu, c'est quelque chose de sexuel. Oh, oh là. Ah, ouais. Ton esclave. Ouais, c'est ça, mon soumis, il m'a dit. Oh, un mec, mais directement en soirée. Ouais, il m'a dit. Et ça se trouve pas que c'est un peu rapide, ça. Alors, ça te choque le père de ton enfant, mais ça te choque pas. Il voudrait être mon soumis, lui. Ouais, mais il y a quand même un enfant en jeu, tu vois. Non, soumis. C'est trop bizarre. Il m'a expliqué qu'en fait, il voulait me laver les pieds chez moi. Et que genre rentrer et me dire j'arrive le soir et je te lave les pieds et je suis ton soumis, tu me demandes tout ce que tu veux. Pourquoi ces trucs ça n'arrive qu'à toi? Ouais. Je sais pas, je dois attirer hein. En fait c'est un côté pratique hein. Tu rentres chez toi, il te lave les pieds. Bah oui, mais bon, ça me. Ouais, c'est bien, puis c'est après tu te maries avec lui, tu vois, puis t'es. Ah oui. Après t'expliques ça à tes enfants. Comment vous êtes rencontrés? Je suis allé la voir, je lui ai dit je vais être ton soumis. Aymeric, bonjour. Salut Manu. Bienvenue sur Énergie, Aymeric. Raconte-nous ton week-end. Il y a un trou dans la phrase. À nous de découvrir ce qu'il y a. Alors moi, ce week-end, j'ai vu un prêtre se... Oula. Oh. Alors rassure-nous, c'est pas ce à quoi on pense qui mettrait tout le monde mal à l'aise. Non, non, je vous d'accord. Rassure, ce week-end, j'ai vu un prêtre se... tromper dans son sermon. Ah, non. Non, c'est se pas ça. Se prendre non, une crise, se prendre une crise de fou rire à un enterrement. Non. Oh. Ce week-end, j'ai vu un prêtre se... se battre. Non, c'était pour un baptême. Oh, se trémousser. Sur de la musique. Non. Pour un baptême, qu'est-ce qu'il a pu voir? S'endormir, il s'ennuie. le truc, mec, nous sommes là pour le baptême de... Avec l'endu. Se moquer du bébé. Oh, il baptisé. Oh, il est moche, celui-là. Oh, l'endu, quand même. Aymeric, donne-nous la réponse. Se curer le nez. Oh. Ah, ce week-end j'ai vu un prêtre se curer le nez. Après, bon, ça peut arriver. Après, faut pas qu'il s'essuie sur le bébé, quoi. Oh non, non, mais il est dans un baptême. Stop. Allez. Oh, le cauchemar. Non. Mais Aymeric, il l'a fait pendant la cérémonie? Ah, en plein, oui. Ah, ouais. Bah, il était en mode détente. Ouais. Ouais, ouais. Ça le gênait. Bah, ouais, alors il n'avait plus rien à foutre. Il fait. En fait, non, je crois plus en Dieu. Merci de nous avoir appelé Aymeric. Belle journée à toi. 6h38, dans 3 minutes c'est les sondages du matin qui arrivent. Je vous rappelle que je vais vous révéler la lettre la plus détestée de l'alphabet par les Français. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal. Quand t'es pas là. Quand t'es pas là. Tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Je te le donne. bienvenue sur Énergie, 6h41. On va écouter The Prince Karma. Ça, c'est bon, ça. Les bitches. Avant ouais. ça, voici comme chaque matin les sondages du matin. Yes. Parce que c'est le matin et parce que ce sont les sondages. Oui. Bien vu. Pour 65% des femmes, un homme qui ne connaît pas ça d'elle ne sera jamais un bon partenaire. Oh là. Un homme qui ne connaît pas quoi sur elle. Paulette. Le prénom de sa meilleure amie. Oh. Moi, c'est très important, mes amis. Mon ex, elle avait une meilleure amie, puis après, en fait, c'était une autre, après, c'était une autre, c'est compliqué. Il y en a plusieurs. Vous avez toujours plusieurs meilleures amies. Oui. Isabelle. Je sais pas le nom de leur premier animal de compagnie. Quoi? Bah, je sais pas. Non. Non mais compliqué ça. Pour 65% ouais. des ouais. femmes, un homme ouais. qui ne connaît pas le nom de leur premier animal de compagnie ne sera jamais un bon partenaire. Ouais, non, c'est vrai, ça va pas. Ah bah, je suis content, tu t'en aperçois. Ouais, c'est vrai. Nico, c'est un truc qu'elle aime manger ou pas du tout? Rien à voir. Ah. C'est physique? Ah ouais. Ouais, c'est physique. Oh. La couleur des yeux. Non, mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Vous êtes partis dans des trucs très compliqués. Ah ouais. Pour 65% des femmes, un homme qui ne connaît pas le poids d'une femme ne sera jamais un bon partenaire. Oh. Ah, ouais. Ah oui, d'accord. Alors là, ma question, Nico, est-ce que tu connais le poids de ta femme? Ben, je crois pas connaître le vrai parce que je pense qu'elle me ment dessus. Mais voilà, c'est ça le problème, ouais. c'est que vous voulez qu'on connaisse votre poids et vous ouais. pipotez tout le temps sur votre oh. poids. Ouais. Alors, quand vous voulez qu'on le sache, on veut en fait que vous connaissiez notre faux poids. C'est-à-dire que quand les gens vous demandent, ah. vous dites le faux poids et nous on est là. Ah. C'est ça. Bah, oh là, ça devient compliqué. Ouais, hein. ouais. C'est dur. Oh, il y a des fois, je me dis hein, pourquoi je me suis séparé. Là, là, je sais. 16% des gens ne pourraient pas sortir avec une autre personne si elle n'a pas ça. Si elle n'a pas quoi? Glandu. Un joli prénom. Oh, c'est mignon. Ouais. C'est pas ça. C'est un objet ou pas, c'est du tout? Pas un objet du tout, ah. Isabelle. Alors, j'allais dire une voiture, donc ça ne marche pas. Effectivement. J'ai l'impression qu'Isabelle est en forme ce matin pour son âge. De pote. Si elle n'a pas de pote. Alors c'est quasiment ça. 16% des gens ne pourraient pas sortir avec une autre personne si elle n'a pas de compte de réseau social. Oui. Ah bon? Ah ouais. Bah en même temps quelqu'un qui a aucun compte. Ouais. Bah c'est chelou. Ça fait que t'as quelque chose à cacher quoi. Ouais, ouais. Ou alors tu veux vraiment vivre à l'écart de la société. Ouais, c'est bizarre. Mais à ce moment-là t'as pas de premier rendez-vous non plus. Ah bah non. Oui, c'est vrai. Mais non, c'est peut-être quelqu'un qui vit à fond. Qui vit à fond la vie, qui perd pas du temps sur Instagram, sur tout ça, c'est ce que je fais moi. Ouais, c'est ça. Paulette, en fait, parfois, elle vit par procuration. C'est génial. Les véganes, on est bien, on est fort, on mange pas de viande. Mais Paulette, t'en manges une fois tous les deux repas. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Dernier sondage du matin, pour 65% des gens, c'est la lettre de l'alphabet qu'ils détestent le plus. Oh. Quelle est la lettre de l'alphabet que vous détestez le plus? Vous allez peut-être tomber dedans. C'est la plus détestée des Français. Ouais. Glandu. Le H. Le H. Le H. Ouais. Personne ne prononce le H. Je sais pas comment j'ai dit. Oui. Alors, c'est pas ça, Nico. Y, c'est moche. Ah, ok, c'est... Ouais. Ah, ouais. L'argument fatal. Y. Paulette. Z, c'est chiant, on l'utilise. Non, pas c'est pas ça, c'est pas ça. Oh, bah, le X, hein. Le X, il est galère quand même. Pourquoi? Bah, parce que ça, c'est toujours des mots compliqués avec le X. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est ouais. vrai. Ouais, c'est vrai. Le K. Bonne réponse de Glandu. Ah ben ouais. Le K est la lettre la plus détestée des Français. Ah les ouais. Français estiment que c'est celle qui a le son le plus dur. Ouais, c'est ça. Ah y a ouais, ça. Ouais. K. K. Alors qu'il suffit que t'en mettes deux pour que ce soit drôle. Caca. Ils auraient dû faire, c'est quoi, ils auraient dû faire ça dès le début. Ah ouais. Les sondages du matin reviennent évidemment demain à la même heure. On va s'écouter The Prince Karma tout de suite. Et juste après, Nico va partager avec nous les messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux et les messages vocaux que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Là j'ai une grosse, grosse, grosse révélation sur le chanteur George Ezra et cette chanson en particulier. I'll be riding shotgun underneath the hot sun. Il y a un message caché qui se trouve dedans. Ah ouais. Ouais. Ah, oh. Et le message il est un peu dégueu quand même. Wow. Ah bon? Ouais. Ouais. Dans cette chanson? Ouais, ah oui. Ah. Un message dégueu dedans? Ouais, ouais. J'achète. C'est dans 3 minutes, juste après The Prince Karma sur Énergie. 6h46. I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. We'll be right back. bitches. Bitches. Ça y est, il est fini. 6h48, ouais, je sais, ça fait peur. Oh, écoutez, MHD, ça arrive dans 3 minutes pour vous. Et avant ça, attention, il nous a mis l'eau à la bouche. Hein. Ouais, oui, c'est il nous les a donné envie. Ah, voici Nico qui écoute tous les messages vocaux que vous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Mmh. Il lit aussi les messages que vous envoyez sur les réseaux sociaux. Il nous a promis une grande révélation sur Georges Ezra. Patience. Ah, patience, d'accord. Ouais. Ok, bon, alors on patiente alors. Pas tout de suite. Ok, avocat qu'il y a. Bon, vendredi, on a tous sorti des phrases que nos parents nous sortent quand on part de chez eux alors qu'on est adulte. Ouais. Oui. Sur Facebook, il y a Gauthier qui l'a fait aussi. Il dit : tu préfères pas rester dormir ? Ah oui. Ah ouais, c'est ça vrai. Bah, parce que maman, elle veut qu'on reste encore un peu. Ouais, et tu te trouves dans ton lit d'enfant trop petit, ton lit simple, tout petit. Et tu dors mal. Et après, quand elle te posera la question, tu dis non. C'est ça. Il y a François sur Twitter qui dit : fais-moi penser la prochaine fois à te parler d'un truc. Ça, c'est énervant. Mais dis-le-moi maintenant. Non, la prochaine fois. En fait, tu sais quoi, ils font exprès les parents. Ouais. Pour qu'on revienne les voir après. Ouais, bah oui. Ou alors pour qu'on reste dormir. Ah, tout se complique. Une autre phrase que nos parents nous sortent quand on part chez eux alors qu'on est adulte, Mélodie nous dit : minute et mon bijou. Ah oui, c'est mignon. Mignon. Ça marche. Romain nous dit aussi : oui, je me fais du souci, tu verras quand tu auras des enfants. Ah oui. Ça marche. Ouais. C'est vrai. Bah, ouais. Non mais alors, moi qui suis maintenant parent, c'est vrai. Bah ouais. Tu te dis tu te fais du souci hein. Ouais. Alors c'est pour ça, tu restes à la maison. Ouais. Une dernière phrase que nos parents nous sortent quand on part de chez eux alors qu'on est adulte, il y a Vanessa qui dit : il y aura qui à cette soirée ? Ça c'est surtout papa ça. Ouais. Papa il me disait : tu m'appelles quand tu arrives et il y aura qui et c'est qui et pourquoi ? Est-ce qu'il y a les parents ? Et à la fin tu fais : ok, je sors pas. Bon, tu nous as aussi demandé Manu de faire notre plus belle imitation et on a reçu ce message de Jennifer par message vocal sur notre application. Là, c'est assez surprenant. Alors moi, l'imitation que je choisis, c'est le singe. Gros bisous. Ah, c'est très surprenant. La différence entre la voix de Jennifer et le truc qu'elle arrive à faire. Je m'attendais pas à ça. Hein. Alors, t'imagines Oli. La surprise. Bon, instant culture et langue française maintenant, parce que c'est ça aussi notre émission. Salut les Wawins, salut Manu, moi je voudrais qu'on fasse un petit point sur la langue française aujourd'hui parce que je crois qu'il est temps de réagir. Alors les verbes voye, croive et soye n'existent pas, d'accord ? Donc arrêtons de conjuguer en disant heureusement qu'ils sont pas aveugles parce que sinon ils voient rien. Si en plus ils croivent, manquerait plus qu'ils soyent. Voilà. Donc j'aimerais bien que tous les gens qui disent ça, vous arrêtez parce que j'ai les oreilles qui saignent. Merci, bonne journée. Ouh, il était pas content lui. Ouais. Alors petite faute à la fin quand même, mais je crois, il a dit : j'aimerais bien que les gens vous arrêtent. Non, que les gens que vous arrêtiez. Ouais. C'est chiant hein, quand on se fait reprendre. Hein. Ouais, c'est chiant. Bon, on termine avec la révélation sur Georges Ezra. Ah. Je vous en ai parlé. Ou devrais-je l'appeler Monsieur Dégueu ? Mais non. Vous connaissez tous son titre Shotgun. Ouais. Ah bah oui. Eh ben, écoutez ce message. Coucou Manu, sur la chanson Shotgun de Georges Ezra, à la première minute, avant qu'il rattaque ses paroles, on entend un petit roux. en fond de son. Et voilà, à vous d'écouter. Mais non. Ouais. On entend un rô dans la chanson de Georges Ezra. Bah, j'ai vérifié et c'est ouf. Mais non. Il y est. Écoutez, écoutez. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like you're someone. Mais attends, c'est incroyable. Alors attends, non, mais c'est ouf. Ouais. Alors, il est gros. T'as pas entendu? Si, si, si, j'ai entendu, mais à mon avis, c'est un petit effet, c'est pas un rototo. Ah non, attends, remets-le. Attention, il va arriver. Ah non, mais c'est net. Ah, il y est. Mais c'est incroyable. Ouais, ouais. Wow. Il y a un roux. Peut-être qu'ils l'ont, l'ont speedé, il a enregistré juste après un gros repas, le pauvre Georges. Oh. Mais tu sais, on peut refaire des prises. Ouais. Hein. Ouais. C'est, mais comment ça se fait qu'on l'avait jamais remarqué, bah, quoi. Je sais pas. Mais c'est un pari avec des potes, je pense. Il a dit je vais glisser un roux qui s'entendra pas. Oh. Mais tu sais quoi, ce qui est horrible, c'est que maintenant, dès qu'on va écouter la chanson, mais on n'entendra que ça, quoi. C'est sûr. South of... Oh non. South. Oh non. Oh non. South. C'est pas possible. Je suis désolé. Hein. Ah. Mon Dieu. C'est pas moi qui ai barré. Oh non. Moi, je suis désolée. J'ai encore un doute sur le rototo. Je crois que vous en voyez partout. Non, c'est comme un son. C'est la voix grave avec un petit peu de son derrière ou un synthétiseur, tu vois. Écoute. South of... C'est très net, hein. Ouais. South of the... Si c'est un synthétiseur, c'est un synthétiseur qui rote, hein. Ouais. Je m'y connais en haut. C'est un bruit humain, ça. Ouais. Ça, c'est Georges. Un si beau début de carrière, quand même. Oh là là. Imagine, sa carrière s'arrête à cause de nous. Oh là. Ah non, c'est pas nous. C'est Nacho qui nous envoyer un message. C'est pas nous. Écoutez, vivement qu'on passe Georges Ezra pour en parler. Mais non, mais c'est incroyable. Vous savez quoi, il faut qu'on enquête là-dessus. Ah ouais. Inspecteur Glandu est le retour. Allez. C'est toujours l'inspecteur Glandu qui se charge de ces trucs-là. Pour lui. Je veux savoir pourquoi. Ouais. Pourquoi dans sa chanson, à un moment, il y a un rô. Écoutez bien. Il est net. Ah oui. Ah non, il est incroyable. Il va falloir l'appeler, hein. Glandu, tu te débrouilles. Je veux changer ça au téléphone. Ok. MHD tout de suite sur Énergie. Bienvenue. On démarre la journée ensemble dans 10 minutes. On double votre salaire en direct. Elle habite dans ma ville. Quand elle me croise, elle me vesquille. 5 ans que je la vois. Dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr. Même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute. Elle m'ignore grave. La gomme m'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine. Je le ferai pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait, elle m'attire, comment lui dire. Une histoire d'amour peut attirer en lui. Hey, hey, ma belle, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Mon cœur va chier. Seeing you, I can't move on. You wind up that waist, making me dance. Now I can't move on. Oh, my girl, so sexy. The way she dance, so sexy. So she give me love, sexy. You making me once more sexy. Yeah, with your sexy body, come and chop my money. Yo. Ay, ay, ay, ay. Oh, yeah, take all my money, put down for your head. Ay, ay, ay, ay. Make me my head, go, baby girl, so. Make you drop all my money. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Eh, ma bella, eh. Ay, ay, ay, ay. Mon cœur va chier là pour toi, ma bella. Ay, ay, ay, ay. Eh, ma bella, eh. Ay, ay, ay, ay. D'avoir un sourire, un regard ou un petit câlin. Ay, ay, ay, ay. Elle est rentrée dans ma life. Et mon cœur, elle l'a mis game over. Dans mes bras qu'elle va trouver le bonheur. Elle est rentrée dans ma life. Et mon cœur elle a mis game over. Hey ma bella, hey. Aïe aïe aïe aïe. Mon cœur va chier là pour toi ma bella. Aïe aïe aïe aïe.

Salut Manu, bonjour à tous. Au programme cette semaine, du soleil parfois, des éclaircies très souvent, de la pluie aussi par moments. La météo très variée donc sur la France, à commencer par aujourd'hui. Des averses dans la moitié ouest ce matin. Cet après-midi, le ciel bleu va régner au nord dans l'axe Bretagne-PACA. Et si vous êtes au sud, en revanche, vous aurez droit aux nuages et aux pluies en principe. Les températures incroyablement douces. 16 degrés à Sedan, 19 à Perpignan en ce moment. Au max, on aura 19 degrés à Limoges, 22 à Lille, jusqu'à 23 pour Mulhouse. C'est l'apocalypse ce matin dans l'Aude, placée en vigilance rouge. Des pluies diluviennes sont tombées cette nuit, provoquant de nombreuses inondations. Ça devrait d'ailleurs durer encore quelques heures, malheureusement, aggravant la situation sur place. De nombreux villages sont sous les eaux, de nombreuses routes ont été coupées, le transport scolaire est annulé ce lundi à Carcassonne. Une personne a été tuée, deux autres sont portées disparues. La préfecture demande donc aux habitants de rester absolument chez eux. Six autres départements sont en vigilance orange, cette fois des Pyrénées-Orientales à l'Aveyron, en passant par l'Hérault et la Haute-Garonne. Ça n'a pas tardé, le ministre de l'Éducation a dévoilé hier les premiers résultats des évaluations de primaire effectuées juste après la rentrée. Alors, principal enseignement, les difficultés des élèves en maths encore. Pour le CE1 par exemple, la moitié d'entre eux ont du mal avec le calcul mental. Sinon, pour la lecture, ils sont 30% à avoir des soucis au même âge. Une nouvelle loi est présentée aujourd'hui avec 24 mesures inédites, dont l'instruction obligatoire des 3 ans contre 6 actuellement. Il y a aussi la création d'un nouveau procédé d'évaluation du système scolaire. Aujourd'hui ou demain, peu importe, le remaniement du gouvernement attendu la semaine dernière devrait être officialisé en principe d'ici 48 heures au plus tard. Il faut toujours remplacer Gérard Collomb, parti du ministère de l'Intérieur, il y a maintenant 2 semaines. Dans l'actu également, une ligne est gratuite et anonyme pour les victimes de violences. Le 3919 a été créé pour aider les femmes en détresse. Elles peuvent composer ce numéro pour parler ou signaler toute brutalité. Faites-le savoir autour de vous. Une grande campagne de com' est lancée aujourd'hui à la télé pour faire connaître ce numéro, donc le 3919. 0 pointé pour le rugby français hier. Nos 3 clubs français engagés ce dimanche ont perdu en Coupe d'Europe. Défaite de Lyon et de Toulon à domicile. Castres s'est incliné à l'extérieur. Une nouvelle chance dès le week-end prochain avec la 2e journée de la phase de poule. Le rêve, en fait, ils en ont fait une réalité. La vie de rêve, ce sera le titre du nouvel album de Big Flo Oli, album qui sortira le 23 novembre. Les deux frangins en ont dévoilé la pochette hier, une photo de famille sur laquelle ils apparaissent enfants entourés de leurs parents. Le rêve, c'est aussi à vous de le concrétiser et de voter pour eux au Energy Music Awards. Ils sont nommés cette année. Ça se passe comme d'habitude du côté d'Energy.fr. 7h04, fin de ce flash, on est le lundi 15 octobre. C'est le début d'une nouvelle belle semaine. On pense très fort à tous les habitants de l'Aude en grande difficultés à cause des inondations ce matin. Bon réveil, bonne journée. C'est nous. Ah bonjour. On est là avec vous comme chaque matin, 7h04, que tout le monde panique, les ouin-ouin du matin s'occupent de tout. Isabelle est là. Salut. Il y a Paulette. Hello. Il y a Nico. Coucou. Glandu aussi, évidemment. Hello. On va doubler votre salaire dans quelques secondes. C'est peut-être vous qu'on va appeler en direct. Si vous vous êtes inscrit sur energie.fr ou malu dans le 69.com. Juste après, il y aura Kaigo. Et avant tout ça, vendredi, nous avons eu au téléphone à 7h05 Ophélie. Ouais. On lui a doublé son salaire. Et Ophélie est bibliothécaire. Ouais. Et je lui ai posé une simple question. Je vais avouer qu'effectivement, on n'est pas les meilleurs lecteurs du monde. Ouais. On n'est pas ceux qui lisons le plus de livres, c'est pas bien. Donc je lui ai dit, dis-nous un livre, un seul, qui va nous donner envie de relire. Ouais. Vraiment un livre où on se dit, waouh, on va lire après et on se remet à la lecture. Ouais. Mmh. Et elle nous a dit, Bernard Werber, Le papillon des étoiles. Mmh. Mmh. Glandu nous a acheté, t'as fait une note de frais ? Non, j'ai avancé, ouais, vous avez moins remboursé. Ok. Ah, ok. Okay, c'est 7 euros, un poche. 7,60 €, hein. Ouais, c'est pas donné. Bon, arrêtez. Quand même, pour un bouquin, ça va, c'est un petit poche. Je revendrai sur le bon coin après. Nous avons tous dans les mains Bernard Werber, Le papillon des étoiles. Ouais. Oui. Nous allons donc. Bah, on nous a dit que c'était le meilleur livre, ouais. Qu'il fallait le lire. Nico ? Il y a 343 pages, quoi. Alors, effectivement, c'est écrit plus petit que oui, quand même. Oui, il n'y a pas d'image, hein, j'ai vérifié. 343 pages, c'est osé. Moi, je suis hyper contente, Manu, parce qu'avec mes 3 enfants, alors là, je vous avoue, j'ai plus du tout le temps de lire, mais plus du tout, à part les histoires du soir. Donc, vraiment, boucle d'or et tout ça, tu vois, c'est le dernier bouquin que j'ai lu. Boucle d'or, franchement, moi, ça me brise le cœur. Hein. Ah bon ? Et là, non, mais je suis hyper contente parce que je vais être obligée de le lire. C'est génial. Merci, merci, merci, Ophélie. Donc, en fait, t'es en train de nous expliquer clairement que tu vas lire le livre pendant que tes enfants n'auront pas à manger. Ça marche. Nous allons tous le lire. Je vous propose qu'on ne se mette pas la pression. On se donne un peu de temps pour le lire. Ah ouais, okay. Cool. Combien 3 semaines. Ah ouais, c'est bien. 3 semaines. Ouais, c'est bien. Après, il y a les vacances de la Toussaint qui vont démarrer là. Ouais. Après les vacances de la Toussaint. Ah, c'est cool. C'est cool. Ça va. Ça fait. Ouais. Non, mais ça va, ça fait 3 semaines. Ouais, c'est ça bien. Va. C'est ouais, bon. Ouais. Droit de sauter les pages. Ouais. Non. Ok. Non, sinon, on dit 15 jours, hein, c'est comme vous voulez. Non, 3 semaines. 3 semaines, c'est ok. Oh, 15 jours, ça va, les gars, quand même. 15 jours, on peut le lire. C'est écrit en gros, hein. Ok, 15 jours. Oh non. On se dit. Vendredi. Je regarde. Ouais, j'apprends à être à l'école. Prenez vos cahiers de texte. Ouais. Mais monsieur, je peux pression. Pas. On est le combien là? On est lundi 15. Ouais. Vendredi 26. Allez, vendredi 26. Ouais. Oh, en deux semaines. Vendredi 26, on doit tous l'avoir lu. Et on fera un bilan. Putain, okay. J'ai vérifié, il est même pas sorti en film, quoi. C'est chiant. Putain, c'est pas comme Le Seigneur des Anneaux. Merde, comme Harry Potter. Voilà. Ça veut dire que s'il n'est pas sorti en film, c'est-à-dire que c'est pas terrible. Bon, allez, bilan dans 15 jours. Allez. 7h07, on est en retard, on double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Énergie.fr ou Manu dans le 6-9.com pour vous inscrire. C'est ce qu'a fait Estelle. Elle a 25 ans, elle habite Latillée, c'est dans la Vienne, et elle touche chaque mois 8850 euros. Estelle, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. C'est parti. Ça sonne chez Estelle. C'est le principe du téléphone. Mmh. Bravo Manu. Merci. Allô Estelle ? Oui. C'est Estelle de Latillée dans la Vienne ? Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu sur Énergie ! Eh oui ! Et voilà Estelle, c'est fait, ça y est. Super, merci. Eh ben je t'en prie. 1850 euros, c'est ton salaire. Je vais le doubler, ça va faire 3700 euros pour toi qui arrive très vite. Waouh. Pas mal, hein. Ah merci, t'es trop cool, j'y crois pas. Et alors je vais dire, je suis pas rancunier Estelle. Voilà. Ouais, imagine, allez, vas-y. C'est parti. Écoutez le métier d'Estelle. Ouais. Conseillère bancaire au Crédit Agricole. Oh. Ah. J'ai donné la marque, hein, je suis désolé. Allez, écoute, mais... Lâche-moi. Non, pas du tout. Non, je veux dire qu'il y a des métiers qu'on choisit par passion et d'autres, ben. Non, peut-être que tu l'as choisi par passion. Par passion, peut-être que t'aimes faire du mal aux gens, oui. Non, au contraire, on est gentil. Mais pourquoi vous nous appelez uniquement quand on est en débit et pas quand on est en crédit pour nous faire un petit bisou? Parce que t'as jamais trop d'argent sur ton compte si on t'appelle pas pour ça. Si, quand on a trop d'argent sur le compte, vous nous appelez pour nous dire. Il faudrait peut-être épargner là. On a un petit truc pour vous. Bien sûr. On va pas vous appeler juste pour vous dire bonjour. Ouais. Et ben tu sais quoi? C'est dommage. Voilà ce que j'ai à dire. Nico? Estelle, t'as le détail de tout ce qu'on achète? Absolument tout? Non, faut pas chicoter, t'inquiète pas. Si t'as acheté des bêtises, ça sera ça. Non, ce que t'as fait. C'est bien. On voit où t'as dépensé, mais pas ce que t'as acheté. C'est-à-dire, Textshop, on va le voir quand même, quoi. Mais tu n'as pas. Tu as quand même le relevé de nos comptes. Ce que nous, on reçoit, tu l'as aussi. Bien sûr. Oui. Bah voilà. Okay. Ouais. Mais est-ce que c'est comme le médecin, ça sortira pas du cabinet? Voilà. Secret professionnel. Ouais. Ouais. Ce qui est embêtant, c'est si tu sors avec ta banquière, du coup. Ça n'arrive pas. Non. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, il faut mieux éviter. Hein, conflit d'intérêt. Non, parce qu'après, si on nous demande de rembourser les frais, que derrière, on quitte notre copain. Ça tient. Estelle, il y en a qui pourraient profiter. On te double ton salaire, 3700 euros, personne ne veut profiter. Mais on ose moins qu'à faire après. On t'embrasse Estelle, 7h10, ça peut vous arriver vous aussi, suffit de vous inscrire. Énergie.fr, on met lui dans le 69.com. Kaigo et Imagine Dragons tout de suite. réveil sur Énergie, 7h14. Dans 4 minutes, c'est le retour de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. Ouais. Attention, on va parler de Johnny Hallyday avec lui. Restez là, ça arrive dans 4 minutes. On va écouter Eddie Le Proto et avant ça, quelques infos. Ouais. Une étude montre que Netflix, écoutez bien, consomme 15% du trafic internet mondial. Oh. Ah ouais, c'est ouf. C'est énorme. 15. En d'autres mots, c'est-à-dire que le porno consomme 85% du trafic internet mondial. Ouais. C'est dingue. Autre chose. Ah, j'ai une info sur les chats. Ah, vas-y. Oula. Cool. Paulette a un chat. Oui, effectivement. Comment savoir si ton chat t'aime? Bah, je le vois tous les jours en fait. Elle ronronne dès qu'elle me voit. Elle me fait la fête quand je rentre. Elle roule sur le parquet là. C'est faux. Ah bon. Mmh. Selon une nouvelle étude, voici comment savoir si votre chat vous aime. Mmh. Ouais. Vous devez vous mettre face au chat, le regarder. Mmh. Vous clignez des yeux doucement lorsqu'il vous regarde. Et s'il vous renvoie votre clignement d'yeux, c'est qu'il vous aime. Oh. Ah ouais, c'est voilà. Génial. Moi, j'ai eu un chat pendant longtemps. Moi, il me mettait un coup de patte quand je faisais ça. Alors, il te déteste. Ouais, ça, je l'avais compris. Mais je teste ce soir. Par contre, si elle ne le fait pas, je fais quoi? Alors, tu testes, ok. Mm. Tu le filmes. Ok, d'accord. Tu filmes ton chat en face de toi. D'accord. Tu clignes des yeux. Quand tu dis tu clignes des yeux, bah, quand tu le fais, tu le dis. Oui. Attention, je cligne. Oui. Comme ça, on voit le chat. C'est cligne ou pas? Ouais. D'accord, je fais ce soir. Je peux te donner la réponse avant. Hein. Bah arrête, non, il y a trop d'amour entre ce chat. Ouais. Mais oui. Tu tournes, tu fais la vidéo, tu fais plusieurs essais. D'accord. Ah bon, ça peut être drôle. Non, mais au bout d'un moment, peut-être que le chat va cligner par pitié. Quoi. Arrête. Parce que peut-être que sur Radio Chat en ce moment, il y a un chat qui dit si vous voulez savoir si votre humain est con, vous vous mettez en face de lui et s'il commence à cligner des yeux plein de fois, c'est vraiment qu'il est teubé. Tu le fais et la vidéo demain, on la mettra pour avoir la preuve, peut-être qu'il t'aime. D'accord. Et peut-être qu'il t'aime pas. Oh. On revient tout de suite. Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes. Avec Elie Préto, 7h16, à tout de suite. Manu dans le 6-9. C'est Manu, Manu, c'est Manu sur Énergie. Music only. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. You left me falling and landing inside my grave. I know that you me dead. I take prescriptions to make me feel a-okay. I know it's all in my head. I have these lucid dreams where I can't move a thing, thinking of you in my bed. You were my everything, thoughts of a I'll do it over again. I didn't want it to end. I watch it blow in the wind. I should've listened to my friend. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done, I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. Salut, c'est Carla Ginola de Danse avec les Stars. C'est Clément Rémiens. Salut, c'est Iris Mittenaar. C'est Anour Toubani. Salut, c'est Loïse Martin. C'est Basile Boli. Et maintenant, c'est Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9, sur Énergie. Danse avec les Stars, c'était samedi soir et c'est Vincent Moscato qui a été éliminé. Ouais. Eh oui, alors... Je veux pas dire, mais là, il y a eu plein de gens de Danse avec les Stars qui nous ont fait les jingles. Ouais. Lui, il n'en a pas fait. Et comme par hasard, il est éliminé. De là à dire qu'il aurait dû faire un jingle. Bon, c'est pas pour ça qu'il a été éliminé. C'est vraiment parce qu'il danse vraiment comme il est. Je crois avoir trouvé quelqu'un qui danse encore pire que moi. Et rien que pour ça, merci Vincent Mosquito. T'es un élan d'espoir pour la nouvelle génération. Il est 7h20, on passe à Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. Avant d'écouter Élie Le Préto, voici Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, qui aujourd'hui appelle quelqu'un pour lui dire que sa commande du fan club de Johnny Hallyday est enfin arrivée. Allô ? Bonjour. Oui. Ceci est un message automatique du fan club de Johnny Hallyday. Oui. Voici le récapitulatif de votre commande. Moi j'ai rien commandé, moi. Une canette de bière ouverte par Johnny avec certificat d'authenticité, valeur 3 200 €. Mais Johnny qui ? Johnny Hallyday ? Article validé. Ah non, là il y a une grosse erreur, hein, parce que moi j'ai rien commandé sur Johnny, moi. 21 t-shirt Johnny, plus indien sur une Harley Davidson, valeur 354 €. J'ai pas fait de commande Harley, ni t-shirt, ni rien. Article validé. Non, mais je règle rien du tout, je vous le dis direct, de toute façon moi je vais pas vous dire mon adresse. La livraison est prévue pour demain, entre 9h et midi. Mais vous prenez pour un fou, quoi. Souhaitez-vous profiter de la promotion ? Ah non. 3 boîtes de préservatifs. Allumez le feu, valeur 12 €. Oui, bien sûr, je vais vous régler des capotes, mais voilà. Eh ben, c'est dommage, parce qu'il faut se couvrir. Alors, et c'est pas très sympathique pour Johnny. L'appel automatique de Georges, Manu dans le 6-9. Très bonne idée, les capotes, allumez le feu. C'est bon, 7h21, Eddie de Préto tout de suite. Et juste après, on vous prend au téléphone. On va prendre Mathieu et Fanny qui nous ont appelé vendredi. Ouais. On vous avait demandé de nous appeler pour nous dire, nous raconter quelque chose que vous ayez vécu ce week-end qui nous donnerait envie de vous rappeler lundi. Mm. Mathieu est rencontré pour la première fois ses beaux-parents. Et Fanny faisait sa pendaison de crémaillère. Elle avait invité tous ses amis Facebook. Ouais. 174. Oh. Ouais. Ouais. Comment ça s'est passé? Où est le drame? Restez avec nous dans 3 minutes. Sur un viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid, quand de toi, ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Tu seras viril, mon kid, je veux voir ton tympan se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils à fer et dopés de chair, de nerfs, protéines. Et tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Virilité abusive. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. 7h25, on est avec vous comme chaque matin pour démarrer la journée. On va s'écouter Dan Balan, le retour de Ozone. Trop bien. Oui. Allez. Ça arrive pour vous. Mais avant ça, on va retrouver Mathieu et Fanny. Mathieu, bonjour. Salut Manu. Tu nous avais appelé lundi, vendredi, pardon, pour nous dire que ce week-end, tu rencontrais tes beaux-parents pour la première fois et que le père, le papa de ta copine, était un ancien militaire très strict. Mmh. Donc tu stressais un petit peu et on s'est dit, ok, on se rappelle lundi pour savoir comment ça s'est passé. Mathieu, raconte-nous. Eh ben alors au tout début je stressais tellement que quand je me suis servi mon verre de vin, j'en ai carrément renversé sur la table. Ah c'est, oh, c'est mieux que de prendre la bouteille et paniquer et la boire directement au goulot. Et après j'ai eu droit tout un tas de questions que beau papa avait préparées sur ma santé, mon avenir, mon salaire. Oh la pression. Ah ouais, oh, ça c'est dur. Mais il t'a pas posé de questions un peu plus cool, genre t'aimes bien faire quoi dans la vie, tes passions, tes loisirs, tout ça, non? Si, un peu de tout quoi, mais. Wow. T'aimes bien faire du sport, mais combien tu fais au 100 mètres? Mon Dieu. Ouais. Wow. Mais bon après, franchement, ça s'est très bien passé. On s'est même trouvé un point en commun, c'est la moto. Ah. Et c'est cool ça. Et week-end prochain, on va en faire ensemble, juste lui et moi, histoire de mieux se connaître. Donc, Wow. Oh, c'est cool. Attention, Mathieu, hein, parce que tu peux te retrouver amoureux du papa, faire la boulette, quitter la fille, que lui se sépare de sa femme. Oula, oula, hey, briseur de couple, va. Ah, je te félicite pas. Mathieu, bravo à toi, merci de nous avoir appelé, ça s'est bien passé. Ouais. On va retrouver Fanny. Rebonjour, enfin bonjour Fanny. Alors Fanny, coucou à toi, tu nous avais appelé vendredi, tu faisais ta pendaison de crémaillère ce week-end et t'avais invité, parce que ça te faisait rire, tous tes amis Facebook et tu as 174 amis Facebook dans une maison. Fanny, est-ce que ça s'est terminé en projet X? Non, pas du tout, j'ai eu chaud parce que heureusement, ils sont pas tous venus. Il y en a que une vingtaine qui sont venus chez moi, mais heureusement. Et mais sauf que le truc en fait, c'est qu'ils sont tous venus avec une ou deux personnes que je connaissais pas. Bon. Ah, d'accord. Et en fait, et ben, il y avait plus d'inconnus chez moi que je connaissais vraiment. T'étais chez toi avec plus de personnes dont tu ne savais pas du tout l'existence. Ouais, évidemment. C'est les mecs qui viennent te voir, ils savent pas que c'est chez toi, tu sais. Oui. Donc, faut faire gaffe, quoi. Ah, c'est toujours les mecs en bas de chez toi qui disent tiens, il y a du bruit, on va sonner pour voir. Ouais. Et on entre. Les incrustes. Et qui arrivent les mains vides en plus, ça m'énerve. Mais... Oh. Ah non, tu ramènes une petite bouteille. Et Fanny, ils t'ont aidé à ranger quand même ou pas? Oui, non, ça va. Après, on était une cinquantaine, hein, ça va, c'était pas trop. Bah, ça compte quand même, tu peux ruiner un appartement ou une maison à 50, hein. t'as de la chance, on n'a pas les mêmes amis, hein. Merci de nous avoir appelé, Fanny, on t'embrasse fort. Gros bisous. Gros bisous, 7h28. Ozone, ils étaient trois, un des trois, après quelques années, s'est dit tiens, si on faisait un remix, bim. Ils sont de retour. Dan Balan, ça arrive pour vous après les infos de 7h30. Manu dans le 6-9. Sur Énergie. C'est Manu et les ouin-ouin du matin. Manu dans le 6-9. Énergie. Attention, on joue au jeu des 5 mots. Ça va se passer dans une petite dizaine de minutes. Vous pouvez nous appeler 0 870 42 48. On vous offre la console de jeu de votre choix. Ouais. Celle dont vous avez toujours rêvé. Celle que vous voulez, mais c'est pas possible. Jamais on me la donnera. Je ne pourrai.

phrases en studio, faire une chanson. Tout paraissait tellement évident dans la manière de travailler, dans ce qu'on avait envie de faire. On voulait parler d'amour, on voulait parler du manque, mais en même temps, pas tomber dans le pathos où tu sors forcément le mouchoir. On a essayé que ce soit une chanson paradoxale, qui a ce son et ce texte un peu nostalgique et en même temps qui reste solaire, et c'est comme ça que cette chanson est née. Et Slimane et Vita, vous les retrouverez tous les deux au Energy Music Awards. Les votes continuent jusqu'au 9 novembre sur energy.fr. Ils sont nommés. 7h34 à fin de ce flash lundi 15 octobre. Très bonne semaine sur Energy avec Manu dans le 6-9. Il est 7h34, soyez les bienvenus, nous sommes le 15 octobre. Bonjour lundi! Bonjour lundi! Ne vous faites pas avoir par les gens qui vous disent que le lundi il est moisi, que le lundi il est pourri, que le lundi il est triste parce qu'on sort du week-end. Ouais, oh, c'est non. Vrai, Manu. Alors, ouais, ouais. Voilà. Il vous a rien fait ce lundi. Ce lundi il vous aime, ce lundi il est amour. Ouais, ouais, c'est vrai. Ok, vous voulez lui dire non, on t'aime pas, mais il a rien fait. Non. Il vous a pas marché dessus, il vous a pas craché à la figure ce lundi. Ouais. Alors, c'est vrai que le vendredi, bon, de base il est plus cool. Mais c'est pas une raison pour emmerder le lundi. Surtout que dans un instant, attention, il y a du lourd. On pensait pas qu'ils allaient oser. Ouais. On penserait pas qu'ils oseraient un jour revenir. Eh ben si. Ozone est de retour et ça marche. Voilà. Dan Balan a sorti un remix. Dan Balan, c'est un des trois mecs d'Ozone. Ouais. Qui s'est dit après toutes ces années, bon là, c'est clair, j'arrive pas à faire de titre. On va donc remixer celui de base. Ozone remixé s'appelle Numa Numa, parce qu'on l'appelle tous Numa Numa en fait ce titre, parce qu'on connaît que ça comme parole. Ouais. Parce que le titre original c'est Dargo Stadintei, mais tout le monde l'a oublié. Ouais. Bref. Ça arrive pour vous dans deux minutes. Okay. On va jouer au jeu des 5 mots juste après, le meilleur jeu radio du monde. On vous offre la console de jeu de votre choix. Avant ça, j'aimerais que vous nous appeliez au 0800 70 42 48 pour nous raconter quelque chose de totalement improbable statistiquement qui vous est pourtant arrivé. Ça vous est arrivé. C'est pas possible que ça arrive. Et pourtant, si ça vous est arrivé, c'était statistiquement improbable. Ouais. 0800 70 42 48. Quelles sont vos histoires? On vous écoute. Et avant ça, on va démarrer avec l'équipe. Ouais. Moi, c'était avec mon ex. Avec mon ex, on s'est rendu compte au bout de 2 mois de relation qu'on était ensemble à la crèche à Paris. Wow. On était ensemble à la crèche à Paris. Entre-temps, elle a déménagé dans le sud et on s'est retrouvés en université à Rouen. Donc complètement, oh. Et on savait pas, quoi. Complètement improbable. On a ressorti des photos, effectivement, on était à côté. C'est beau. Ouf. C'est dingue, ça. Ouais, c'était dingue. Mais vous vous souveniez l'un de l'autre à la crèche? Ah, pas du tout. Non, non, pas du tout. Ah, non. C'est en discutant. C'est dingue. À la crèche, à 6 mois, c'est rare que t'aies des souvenirs. Non, mais à la crèche, c'est jusqu'à presque 3 ans, tu sais, t'as encore des souvenirs. Hein. Non, c'est les parents qui se souvenaient des parents et tout. Ouais. Ah, de 3 ans. Génial. Bah, bravo. Mais du coup, c'est une belle histoire, mais sauf à la fin, puisque j'ai plus avec. Ouais, voilà, mais c'est un problème statistiquement quand même. Ça, c'est un problème statistiquement. Ça, c'est un problème statistiquement. Oui, c'est totalement un problème statistiquement. Ouais, voilà. Nico? Moi, j'ai un truc improbable qui m'est arrivé quand j'avais 7 ans, moi. Ah. C'est que j'ai enjambé une chaîne et j'étais habillé. Mais pourtant, un de mes testicules s'est coincé dans la chaîne. Mais j'étais habillé en jean? J'étais habillé, ma mère m'avait habillé. On allait faire des courses, j'enjambe la chaîne plutôt que de la contourner. Et je ne sais pas comment ça arrivait. Encore aujourd'hui, je sais pas. Un de mes testicules s'est coincé dans le truc. Et j'ai fait 2 semaines d'hosto. Et le pire, c'est que le testicule est toujours dans la chaîne. Non, ça va mieux. On peut pas se moquer là, c'est trop dur. Et surtout, j'imagine sa maman. Oh, non, mais l'état de stress quand ton petit il a son petit testicule coincé là. Elle a dû faire une crise de panique dans la rue, quoi. J'aime pas comment Isabelle elle me parle comme ça. Mais t'imagines quoi, qu'est-ce qu'elle a dit? Mon fils a la couille pauvre qui bloque. C'est un peu ça. Et depuis au village, on l'appelait la couille bloquée qu'on l'appelait. Quelle est votre histoire totalement improbable statistiquement et qui pourtant vous est arrivée? 0 870 42 48, vous pouvez nous appeler, n'hésitez pas, ou sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9. Vous pouvez nous envoyer aussi un message sur l'application Manu dans le 6-9. Tout de suite, ils sont de retour, c'est Ozone. Ouais. Eh oui, le remix. Bon réveil. You know this for everyone. Lean down, it's cool. In my mind, it's beside me. Lean down, it's cool. It's cool. It's cool. It's cool. The best time of your life, bring a friend. Bring a friend. Too many times I see men down. More reasons to be grateful, yeah, yeah. Ooh, mama, yeah, I mix that waist with the rhythm with just a acapella. Shout to the world, you know this for everyone. Sur Énergie, 7h40, VG de Rime. Ramenez la coupe à la maison. Alors, les champions du monde, faut pas l'oublier. Hein. Bah ouais, oui. Alors, VG de Rime, ça arrive pour vous dans 2 minutes, juste après le meilleur jeu radio du monde. Yes. Il est chez nous et ça s'appelle le jeu des 5 mots. Charlène, bonjour à toi. Salut Manu, salut les wouah. Bienvenue sur Énergie, Charlène. Attention, nous allons jouer ensemble pour la console de jeu de ton choix. C'est toi qui choisis ton cadeau. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? La PS4 Pro. La PS4 Pro, dans 1 minute, elle est peut-être à toi si tu gagnes. Mais attention, pour te faire gagner, tu as en plus un joker. Quelqu'un de l'équipe va sortir et fera tout pour te faire gagner. Ouais. Cette personne, c'est Nico. Ah, Charlène, ça gagne. Oui. Attention. Ah oui, oui, ça gagne. Le principe, Charlène, il est simple. Nico sort. Faut qu'on arrête de frapper trop cette porte. Oui, elle va casser. Un jour, vous savez quoi? On va frapper la porte du studio, le mur va tomber, l'immeuble va tomber. Aïe. Et ce sera à cause du jeu des 5 mots. Merde, c'est nul. Nico est dehors, il est dans le couloir, il n'entend plus ce qui se passe. Mmh. Charlène, je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient à l'esprit. Ensuite, ouais. Nico revient. Je fais exactement pareil avec lui. Et dès que vous avez un mot en commun, eh ben c'est gagné. Ok. Charlène, c'est parti. On joue au jeu des 5 mots. Image. Poteau. Poteau. Électrique. Participer. Un jeu. Agile. Doué. Numéro. Téléphone. Franchement, là, ouais, là ouais. on est très très très correct. Ouais, on est bon. Ouais. Charlène, on fait revenir Nico. Attention. Ouais. Il est de retour dans le studio. Ah. 5 chances de gagner. Il y a 5 mots. Attention, Charlène, un mot pour Nico avant qu'il se plante. Oh non, oh non, Nico. Ah ouais, merci Charlène. Nico, t'es meilleur, tu peux le faire, j'y crois. Wow. Merci Charlène. C'est parti, on joue au jeu des 5 mots. Image. Photo. Ah bah ouais. Attends, Manu, ça gagne. Oh, trop bien. Ah, facile. Wow. Ah, on est là, on est connecté, oh yeah. Charlène. D'accord. Oh, c'est fou. Vas-y, on voit les autres. On continue, il restait 4 mots. Poteau. But. Non. Oh non. J'y ai cru. Ouais, je sais. Ouais. Alors non, elle avait dit poteau électrique. Ah ouais. Eh oui. Participer. Jouer. Ah. Elle avait dit jeu. Ah. Agile. Doué. Ah, c'est cool. Alors celui-là, j'y croyais pas. Ah ouais, t'es agile, t'es doué quoi. Ah ben même Charlène, elle s'est dit. Ok. Et le dernier, numéro. Téléphone. Ouais. C'est ça. C'est le mot téléphone que tu voulais dire. Ouais, c'est ça. Ok. Et 3 mots en commun. Ah, c'est incroyable. Fort. Charlène, la PS4 Pro, la dernière console de chez PlayStation, elle est pour toi très très vite. Bravo à toi. Eh ben merci, vous faites le plus beau cadeau d'anniversaire, merci. C'est ton anniversaire aujourd'hui ? Eh oui. Alors je suis désolé, il y a la règle 744 qui dit que... Je vous la lis, hein, c'est pas moi qui l'ai... C'est l'huissier de justice. Aïe, aïe, aïe. Si jamais l'un de vos auditeurs joue au jeu des 5 mots le jour de son anniversaire, il sera exécuté sur la place publique. Voyons. Ah bah, les règles se sont durcies. Hein. Ouais. Bravo à toi, Charlène, bon anniversaire. La PS4 merci. Pro, elle arrive très vite pour toi. On t'embrasse fort. Merci, merci. C'est pas possible que ça arrive et pourtant, ça vous est arrivé. C'était statistiquement improbable. Ouais. Venez nous raconter votre histoire. 0 870 42 48. On vous prend au téléphone dans 3 minutes, juste après VG Dream sur Énergie. Ça c'est VG Dream de Gagnon. Championne du monde et dans la chanson de VG Dream. Ouais, ouais. Je sais pas s'il y a Didier Deschamps. Ah non, il y a pas Deschamps. Ah non. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ah bah bon, c'est pas cool. Il a 50 ans aujourd'hui, Didier Deschamps, et VG Dream l'a même pas mis dans la chanson. Oh, c'est pas sympa. Tu sais quoi, je serais capable d'aller voir VG Dream et lui dire en face ce que je pense. Mais il est costaud. Voilà. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. 7h47, à 8h05, on va doubler votre salaire. On va s'écouter Jonas Blue dans un instant. Et avant ça, on écoute vos histoires. Vos histoires improbables. Qu'est-ce qui vous est arrivé de totalement impossible statistiquement, et pourtant ça vous est arrivé. Kevin, bonjour. Salut Manu. Bienvenue sur Énergie, on t'écoute. Merci. Moi, ma mère, j'y avais demandé un jour de jouer tous les numéros d'Euro Million que j'avais rêvé. Et le soir-là. Alors, tu veux dire que t'as rêvé des numéros de l'Euro Million qui sortaient, et t'as dit à ta mère, joue ces numéros-là. C'est ça. Ok. Et le soir-là, tous les numéros sont sortis. Oh. Et mais ma mère n'avait pas eu le temps de jouer. Mais non. Quoi ? Ben oh ouais. Merde. C'est-à-dire que là-dedans tout est statistiquement effectivement improbable. Que tu rêves des numéros du loto. C'est ça. Que ta mère, que tu le dises à ta mère plutôt que de le garder pour toi. Et ensuite qu'elle ait pas eu le temps de jouer, tu vois, t'aurais dû jouer toi. Ah bah ouais. Ouais, mais j'étais mineur. Mais c'est dingue, ça, mais c'est un rêve de fou ça quand même. Ouais. C'est ouf. C'est ça. Et depuis, t'as jamais rêvé? Non, mais pourtant on lui rejouait. Ah, oui. En fait, Kevin, t'as un don une fois. Ouais, c'est fini là. Et c'est con, tu l'as laissé passer. C'est ouais, incroyable. C'est wow. Merci de nous avoir appelé, Kevin. Floriane, bonjour. Bonjour Manu. Vous nous racontez vos histoires statistiquement improbables qui ne peuvent pas se passer, pourtant qui vous sont arrivées. On t'écoute. Bah moi, j'ai menti à mon patron en lui faisant croire que j'étais malade pour aller en fait à Roland-Garros. Et le jour suivant, bah mon boss, il est venu me voir en me disant « Ah, oh, regardez le selfie de mon frère à Roland-Garros. » Et en fait, eh ben, on me voyait juste derrière. Oh non. Ah ouais. Et puis bien. Oh la loose. Les statistiques pour que le frère de ton patron soit à Roland-Garros devant toi, ouais, qu'il prenne un selfie et qu'on te voit derrière, ouais, et qu'ensuite cette photo il la montre à son frère. Ouais. On est bon. Wow. Après tu pouvais, ah ouais, non, tu pouvais être malade à Roland-Garros quoi. Ouais bien sûr. Alors, oui. À Roland-Garros. Bien bah, sûr. C'est, on est très souvent malade aux Maldives. Merci de nous avoir appelé Floriane. Belle journée à toi. Vos histoires statistiquement impossibles mais qui vous sont arrivées. Isabelle. À une fête au lycée, j'ai embrassé un garçon, trop mignon, sans lui demander son avis. Et en fait, 20 ans plus tard, on est toujours ensemble. Oh wow. Ah, c'est oui, ton histoire. Ouais. Oui. C'est beau que ça se finisse comme ça, parce que ça aurait pu faire un petit balance ton Isabelle, quoi. Elle ouais, va quand même pas demander ouais, son avis, quoi. C'est improbable. C'est vrai, j'avoue. Mais t'y allais directement, c'est toi qui... Tu as chopé la bouche. Bah, je l'ai embrassé, ouais. Wow. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, ça fait 20 ans qu'il ose pas dire non, quoi. Ouais. C'est vrai que ça se trouve, c'est le mec le plus timide du monde. Il se retrouve, il a des enfants, il fait « Ouais, mais j'ai pas osé... » Je voulais pas avoir d'enfant, je voulais pas, mais... Elle est arrivée, bim voilà. C'est comme ça. Non mais alors, pas du tout, parce que je les ai vus ensemble et je peux vous dire, j'ai jamais vu un couple pareil. On dirait qu'ils se sont rencontrés hier. C'est, ah, c'est, ouais, c'est déconcertant. Ouais, mais je préférais mon histoire à moi. Là. Ouais, c'est vrai. C'était plus drôle. Hein. Max, bonjour. Bonjour les Wawa. Bonjour à toi. Salut. Bienvenue Max. Quelle est ton histoire totalement improbable, statistiquement impossible, mais qui t'est arrivée? Alors moi, c'est le truc le plus fou qui m'est jamais arrivé et qui est peut-être même jamais arrivé à personne, c'est que moi, la police est venue défoncer ma porte en pleine nuit et m'a menotté alors que j'étais au lit. Oula. Sauf que c'était pas pour moi, c'était pour mon voisin. Ah oh. Ils s'étaient plantés? Ils sont plantés de porte sur le palier. Oh non. C'est et chaud. C'est bizarre. Hein. Et mais alors, dans ces cas-là, bah, tu m'étonnes que c'est bizarre. Ils disent pardon. Après, ouais. Oui, bah oui, après, oui. T'as beau leur dire, ils t'écoutent pas. Bah non, non, c'est normal. Ils sont là, ils sont sûrs qu'ils ont raison. Mais du coup, la porte, après, t'as été remboursé? Ah oui, les assurances et tout. Ça prend un peu de temps pour déjà réussir à faire comprendre que t'es pas le bon. Et puis, après, qu'on te dise, bon, bah rentrez chez vous. Oui, d'accord. Mais comment, à quel moment ils te croient quand tu dis que t'es pas le bon? Parce que forcément, tout le monde dit, ah, c'est pas moi. Ouais. On le faisait déjà à l'école, ça. C'est ça. Bon, après, tu passes ton temps à le dire, et il y en a peut-être un qui a une lumière en se disant on va vérifier le numéro quand même. Et puis, bah oui. T'imagines voilà, s'ils n'avaient pas vérifié 4 ans plus tard, mais je vous dis que c'est pas moi. Puis alors là, l'assurance de la porte. Max, merci de nous avoir appelés. On te souhaite une belle journée. Ciao, 7h52 sur Énergie. On va s'écouter Jonas Blue à 8h05. On double votre salaire pour la deuxième fois de la matinée. Bon réveil sur Énergie. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna rise till we fall. When we hit the bottom, they speak our language, they say We're going keeping on going till we can't go no more. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. Yeah. Sur Énergie, il est 7h55, ça veut dire que dans 10 minutes pile, on va doubler votre salaire. Et oui, je suis bon en maths. Bravo. Ça va se passer à 8h05, on va écouter Dadju. Et avant ça, attention. S'il y a un truc qui est désagréable en couple, ce sont les disputes. Oh oui. Ah ouais, j'ai deux solutions pour les éviter. Oh. La première, écoutez bien. Selon une étude américaine, pour ne pas se disputer, il faut regarder des séries ensemble sur le canapé et ainsi passer du bon temps. Oh non. Oui, mais après on ne se parle plus. Enfin, tu vois, faut pas faire que ça. Parce que sinon, oui, tu t'engueules pas, mais tu parles plus. Ouais, c'est ça le secret. Ça. Mais c'est horrible, c'est triste. Non, c'est génial. Non, mais surtout que si on se parle, mais on s'engueule, mais moi je m'engueule avec ma femme devant les séries, quoi. Elle parle, elle discute, elle veut couper le truc et tout. Mais, non. Mais moi je vous ai déjà raconté, avec mon ex, du coup. Du coup, à chaque fois qu'on était devant une série, c'est pour ça qu'on a arrêté un moment, j'en pouvais plus. Ouais. Elle disait, ah, lui, on l'a déjà vu dans une autre série. Attends, je regarde sur Wikipédia. Donc elle regarde sur Wikipédia, la série continue. Évidemment, elle perd le fil de la série. Ouais. Et 5 minutes après, qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est qui? C'est insupportable. Pas bon. Donc ton info marche pas avec tout le monde. Pas avec ta femme, quoi. Non, elle marche pas. Excusez-moi, hashtag ma vie. Ouais. Pas de panique, j'ai une autre solution si ça là ne marche pas. Okay. Vas-y. Parce que selon une autre étude américaine, il faut, au moment où l'autre crie, prendre cette personne dans ses bras et lui faire un câlin. Ah bon? Apparemment, c'est un truc qui calme immédiatement la dispute. Ouais. Ah après, faut oser. Ah bah c'est ça. Faut oser s'approcher du lion. Tellement. Waouh. Oser, puis il faut avoir envie. C'est compliqué, non? Quand t'es super énervé de prendre quelqu'un de Et bah justement, c'est pour ça que tu fais l'effort et l'autre va être totalement décontenancé. Ouais. Bah ouais. C'est comme, tu sais, quand t'es au volant et que t'as un mec qui te gueule dessus, qui te fait trois lois d'honneur et qu'il te dit que tu sais pas conduire. Ta première réaction, c'est de t'énerver. Et après tu te rappelles que tu sais pas te battre. Donc du coup tu souris. Ouais. C'est la même. Mais moi avec un ex on faisait ça, c'est-à-dire qu'on s'engueulait, et au bout d'un moment je disais pardon. Mais il entendait pas, donc j'étais obligée de dire pardon. Et ça me calmait, tu vois, au bout d'un moment. Ouais, c'est ça. Bah écoute, le truc c'est qu'il faut l'enlacer. Ah ouais. Vous enlacez la personne qui crie en face de vous. C'est bon. Okay. Et ça calmera la dispute. Après, essayez pas avec votre patron, quoi. Je pense pas que ça marche. Ça marche pas avec tout le monde. Hein. Et pourquoi pas. Dadju, Lyon arrive pour vous. Ce sera après les infos de 8h et 8h50. Double votre salaire. A tout de suite sur Énergie. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Dans la famille des ouin, il y a Manu. Énergie. Vos stars Énergie préférées vous attendent à Cannes. C'est Soprano sur Énergie. Dès que vous entendez le double hit Énergie. Avec deux titres de soprano à la suite. Appelez Énergie 3937 et gagnez vos invitations pour assister au Énergie Music Awards le 10 novembre à Cannes. Énergie. Hit music only. Être à la fête, expression française qui signifie que pour l'anniversaire de la Redoute intérieure, vous allez pouvoir réaliser tous vos projets déco. Jusqu'à moins 40% sur la maison, la literie et même l'électroménager. Alors ne choisissez pas entre le salon ou la chambre, refaites les deux. Profitez aussi de la livraison gratuite toute l'année, même sur les volumineux, avec la Redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. Vous qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir. Vous passez souvent tout près des femmes et des hommes qui travaillent pour vous sur les routes. Pour

prochain avec la deuxième journée de la phase de poule. Leur rêve, ils en ont fait une réalité. La vie de rêve, ce sera le titre du nouvel album de Big Flo et Oli. Il sortira le 23 novembre. Les deux frangins en ont dévoilé la pochette hier. Une photo de famille, en fait, sur laquelle ils apparaissent, enfants, entourés de leurs parents. Leur rêve, c'est aussi et surtout à vous de le concrétiser et de voter pour eux si vous le souhaitez. Ils sont nommés au Energy Music Awards. Ça se passe comme d'habitude sur energy.fr ce matin. C'est la fin de ce flash. Il est 8h04. On est le lundi 15 octobre, le début d'une nouvelle semaine. On pense très fort à tous les habitants de l'Aude qui sont sous les eaux. Et puis pour les autres, passez une bonne journée. Voilà, bonne journée. C'est nous. Ah, bonjour. Oh là là. Ouais, bonjour. Wow. Bonjour à vous et bienvenue sur l'énergie. Nous sommes là chaque matin avec vous et ça nous fait plaisir. Plus ça va et plus ça dure, hein, cette imitation. Effectivement. Au départ, il y avait simplement un « et bonjour ». Et maintenant, ce « et bonjour » se transforme vraiment en phrase. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien cette voix. Voilà, je vous le dis. Voilà, si vous cherchez des voix pour des dessins animés, je suis disponible. Je ne sais en faire qu'une, c'est celle-là. « Et bonjour ah !» Ben, répondez-moi. « Et bonjour !»« Et bonjour !»« Et bonjour !» Vous allez bien ? Oui, ça va. Je pourrais faire ça pendant 2 heures. On va doubler votre salaire dans quelques secondes. On va écouter Dead You. Il y aura aussi Calvin Harris avant 8h30. Et dans 5 minutes, rendez-vous avec les concours du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. Oui, parce qu'on se peut se dire, on est relou à parler comme ça. Mais il y a pire que nous. Ça s'appelle les concours du jour. Avant ça, c'est parti, on double votre salaire. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Manu dans le 6-9.com pour vous inscrire par exemple, ou l'application Manu dans le 6-9. Ouais. C'est ce qu'a fait Adrien. Il habite Chandola, c'est en Ardèche. Il a 28 ans et il touche 1 409 € chaque mois. Chandolas, en Ardèche. Allô ? Allô Adrien ? Oui. C'est Adrien de Chandolas ? Oui. Ça va ? Ça va, ouais. Ok, oui. Parle un peu moins fort. Ah. Non, ça va. Tu m'entends ? Ouais. Ok, je vais te dire un truc. Y a des gens derrière toi ? Y a mon patron qui est pas loin. Ok. Parle un peu moins fort parce que ça va le gêner d'apprendre ce qui va se passer maintenant. D'accord. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu sur Énergie. Moins fort. Ouais. Bravo. Ouais. Si. Si tu le cries, Adrien, et qu'il y a ton patron qui t'entend, est-ce que tu crois qu'il va t'augmenter ? Adrien ? Ah, on l'entend plus. Ah, Adrien ? Allô ? Oui, allô ? Tu m'entends ? Allô ? Oui. Pas de panique, tout va bien. Ah. Je croyais que c'était ton patron qui t'avait tapé dessus. Ouais. Adrien, 1 409 € x 2, ça fait 2 818 € pour toi. Bravo à toi. Purée. C'est énorme. Ah ouais, c'est pas mal. À 2 818 € pour démarrer une semaine, on est bien, ça te fait quand même. On est même très bien pour lundi. Bah oui, écoute. Noël arrive, hop. Ah, mais c'est ça, vous m'avez fait ma semaine. 2 800 € pour une semaine, c'est bien. Ouais. J'ai demandé ça peut-être. Adrien. Ah bah si, 2 800 € pour une semaine, si c'est possible avec son métier. Voilà. Ah, bah, le métier d'Adrien, c'est escroc. Mais non, pourquoi tu dis ça, Manu ? Parce qu'il est plombier. Oh non, cliché. Non, arrête avec ça. Et heureusement qu'ils sont là, les plombiers. Hein. Non, mais c'est vache de dire ça, c'est vrai. Ce sera le combat d'Isabelle pour aujourd'hui. Vive les plombiers. Ok, tu confonds plombier et pompier. Ah, les pompiers aussi, je les aime. J'étais à l'époque. Ah. Non, mais Adrien, non. Escroc, évidemment, c'est facile à dire parce que ça coûte cher. Ouais. Mais. Quand tu vas chez quelqu'un pour juste changer un petit joint parce qu'il y a une fuite, que ça te prend 2 secondes et que tu factures ça plein pot, on est d'accord que c'est cher payé, quoi. Ouais, moi je facture pas, c'est mon patron, mais après, il y a des fois autre chose qu'un petit joint. Mais oui, mais c'est parce que Manu, tu connais rien en joint, franchement. Tu connais pas vraiment. Quand on t'interroge sur les joints, tu sauras pas trop nous dire. Alors, tu sais quoi ? Figure-toi que j'ai acheté il y a pas longtemps une boîte de joints. Ah ouais ? Complètement. Parce que je vais changer un joint pour les toilettes. Ouais. Et ben en achetant le joint, comme je savais pas trop la taille, je savais pas ce que c'était, j'ai carrément acheté la boîte complète de joints. Et j'en profite pour passer une petite annonce. Ah ouais. Comme j'ai pas eu le temps de le mettre sur le bon coin, je vends une boîte de joints, il en manque un. Ah ouais. Et voilà. Adrien, rien, on double ton salaire, 2818 euros. Ça arrive très vite pour toi. Ben merci l'équipe, franchement vous êtes énorme. Quand tu l'es comme ça, et puis merci beaucoup. Et puis c'est déjà pas mal. Ouais, voilà. Bravo à toi Adrien, ça peut vous arriver vous aussi. Il suffit de vous inscrire, energie.fr, manu69.com ou l'application manu69. Dans 3 minutes, les concours du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. Et on se dit waouh, il y a pire que nous dans le monde. C'est juste après Dadju, Lyon sur Energie. Un peu de respect, faut respecter. Quand une lionne arrive à tout gérer, un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ou femme mariée, ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Non, non, non, non. Elle dit jamais son dernier mot. Paupières déterminées, elle agit, elle ne parle pas, il y en a pas, mais si tu lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer. Si tu lui donnes la richesse d'un homme, elle va tout assumer. Elle mettra toujours la famille d'abord, elle va tout assumer. Le genre de femme qui a chaque problème s'en sort, elle va tout assumer. Comment gérer sa vie charismatique. Elle est sexy. Elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques. Elle réfléchit. Pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite. Son amour ne connaît pas de limites. Fort caractère, elle sait dire non. Na na na na. Elle dit jamais son dernier mot. Na na na na. Et tu peux lire sous ses paupières. À tout assumer. Sur Énergie, il est 8h12. Comme chaque jour, on démarre la journée avec vous. On va s'écouter Calvin Harris. Le titre, classe. Ouais, tu l'écoutes, tu te sens classe. Même si tu l'es pas, c'est pas grave, tu te sens classe. Et avant ça, on va sentir encore plus classe. Car voici les cocons du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. On écoute leurs histoires et on se dit que nous, bah, tout va bien dans nos vies. Ouais. On démarre aux États-Unis. Un homme est arrêté pour avoir tiré sur son cousin à la carabine. Oh. Oh là là. Alors, la victime va bien. Il a même pu expliquer à la police pourquoi son cousin avait fait ça. Écoutez bien. Mon cousin m'avait dit que si je touchais à ses chips au vinaigre, il me tirait dessus. Ah. J'y ai touché. Mais non. Mais quoi ? Le cousin, quand même, lui a tiré dessus parce que l'autre lui touchait ses chips. Il risque la prison pour tentative de meurtre. Ah bah oui. C'est horrible. En fait, à chaque fois que moi, on me dit des trucs comme ça, je crois que les gens rigolent. Tu vois, quand on me dit pique pas dans mon assiette, sinon je te tue. Bah, maintenant, tu vas arrêter de les prendre, mes frites. Je touche plus. Merci de m'avoir écouté. C'est la seule raison pour laquelle je vous ai raconté cette histoire. Ouais. Je suis un peu tendu en ce moment. Ouais. Fais attention parce que c'est pas très légal. Du coup, il faut pas le faire. Hein. Okay. Mais arrête de toucher mes chips et mes frites. À Marseille, un homme est arrêté par la police en pleine nuit alors qu'il se balade avec un gilet jaune de sécurité. Ouais. Là, on se dit, bah, pourquoi ? Bah, parce qu'en fait, c'est tout. C'est tout ce qu'il a sur lui. Le mec est à poil avec juste le gilet jaune. Mais non. Alors il a quand même expliqué à la police pourquoi. Des voleurs m'ont pris tous mes habits et m'ont donné un gilet jaune pour ma sécurité dans le noir. Eh ouais. Ah. Allez savoir pourquoi, la police n'y a pas cru. En Normandie, 4 hommes dans un Intermarché cachent des produits de beauté sous leurs vêtements pour les voler. Mm-hmm. Et ils voient quelqu'un qui les regarde. Du coup, ils lui font un petit clin d'œil en mode hey, ok, tu nous as vu, mais tu dis rien. Ouais. Sauf que le client à qui ils font un petit clin d'œil, c'est un gendarme. Oh. Ah, ce gendarme appelle discrètement ses collègues et les 4 mecs se sont fait arrêter. C'est con, ça démarrait bien. Enfin bien, oui. Ça démarrait bien. La vraie question, c'est est-ce qu'avant de les déposer dans leur cellule en prison, le gendarme leur a fait un clin d'œil? 8h14, il y a pire que nous dans le monde, c'est les concours du jour et ils reviennent demain à la même heure. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Allez vite, on se lève et on va à l'école. On écoute Calvin Harris dans 3 minutes. Energy, it's music only. Et maintenant, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Attention, j'ai une info Karine Le Marchand. Ouais. Je la suis sur Instagram. Oui. Oulala. Alors, Karine, le psychopathe. Karine Le Marchand est célibataire et elle a posté ce message sur Instagram que j'aimerais partager avec vous. Le jour où quelqu'un me donnera une sensation de bien-être et de bonheur aussi efficacement et simplement que le fait une raclette, ce jour-là, on pourra dire que j'ai trouvé l'amour. C'est génial. Waouh. Vous aimez tous les deux la raclette. Je pense que tu dois la rencontrer. Alors j'aime bien la raclette, mais je préfère la tartiflette. Ouais, est-ce que ça va pas la bloquer? Mais ça peut marcher. En plus, elle a quitté Joey Star, t'as vu? Ouais, donc mais justement, s'il lui en veut encore, moi, je suis pas bagarreur. Donc, d'abord, on dégage tous ces petits soucis, là, et ensuite, effectivement, on verra. Ouais. Je ne dirai pas non, hein, Karine Le Marchand, quand même. Ah, ouais. Ouais. Ouais. C'est belle, hein. Après, procurer autant de plaisir qu'une raclette, c'est pas simple. Hein, c'est sûr. Compliqué. Ouais. Après, le truc, c'est qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Si c'est le but, si c'est le fait de. D'avoir les vêtements qui puent pendant 3 jours après, ouais. Je peux le faire ça comme c'est la raclette. Ça, oui. Ça c'est possible. Oh non, le glamour. Oui, c'est joli. Manu, bon, t'as tout cassé en 2 secondes. Ah ouais. Franchement. Ouais, mais j'ai déjà tout cassé avant. Hein. Ça fait des années que j'ai tout cassé. Tu sais quoi, je crois que je suis né tout cassé. Oh Manu, mais non. Viens, je te fais un câlin. Bah, viens. Un petit bisou, hein. Bah, j'ai bien compris, oui. Je me doutais bien que tu me disais pas, viens, on fait un enfant. Ok. Allez, 8h19, Calvin Harris sur Énergie. Juste après, c'est le jeu de Glandu, les amis. Comme chaque lundi, le principe est simple. Il nous pose des questions chacun notre tour, qui commencent toutes par, d'après toi, qui dans le studio? Et dès qu'on donne la réponse, ça va mal. C'est là en 3 minutes après Calvin Harris. Are you drunk or no? Gonna judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. Sur Énergie, on va écouter Shawn Mendes sur aussi le dernier Maître Gims pour vous. Et tout de suite, quand faut y aller, faut y aller. Allez, allez, allez. C'est parti pour le jeu de Glandu. Ouais. Comme chaque lundi, le principe, il est très simple. Il va nous poser une question, chacun notre tour, qui commence tout le temps par, d'après toi, qui est dans le studio? Ouais. Et dès qu'on donne un nom, ça énerve. Ouais. Allez, on y va. On commence par celle qui, normalement, est la plus gentille, Isabelle. Ah, merci. D'après toi, qui dans le studio a lu le moins de livres? Oh. Oh là, c'est très facile, vraiment. Manu. C'est pas méchant, franchement, vu le temps que tu passes sur les jeux vidéo, tous les jeux vidéo que tu connais par cœur, c'est impossible que tu aies le temps de lire. Le nombre de manuels de jeux que je lis. Ça compte pas, Manu, ça, les manuels. Ouais.

Ils sont donc 7 départements en vigilance pluie inondation ce matin, de la Haute-Garonne à l'Hérault, en passant par l'Aveyron et les Pyrénées-Orientales. Mais c'est l'Aude qui inquiète le plus. Vigilance rouge en ce moment en raison des crues importantes. De nombreuses routes sont coupées, des villages sous les eaux ce matin aussi. 5 personnes au total ont été tuées. Le bilan s'alourdit d'heure en heure malheureusement. La préfecture demande donc d'éviter tout déplacement. Le transport scolaire d'ailleurs est annulé ce lundi à Carcassonne. La pluie est attendue dans les prochaines heures et ça devrait encore aggraver la situation. L'école en question, le ministre de l'Éducation a dévoilé hier les premiers résultats des évaluations en primaire. Elles ont été effectuées, ces évaluations, il y a quelques semaines maintenant. Sans trop de surprise, on se rend compte que les élèves de CE1, par exemple, ont des difficultés en maths. La moitié d'entre eux maîtrisent mal le calcul mental. Des problèmes de lecture également au même âge. Maintenant, c'est aux profs de rencontrer les parents pour leur proposer des solutions d'accompagnement personnalisé. Un drame hier en Seine-Saint-Denis. Un ado de 12 ans a succombé à ses blessures. Il a été violemment frappé à coups de barre de fer samedi lors d'une bagarre entre bandes rivales au Lila. Un autre participant emmené de force dans une voiture a pu rentrer chez lui quelques heures plus tard après avoir été agressé également. Le sport, le rugby, début difficile pour 3 clubs français hier en Coupe d'Europe. Toulon, Castres et Lyon se sont inclinés pour leur entrée dans la compétition. Il faudra donc rectifier le tir dès le week-end prochain pour la 2e journée de la phase de poule. En studio, au ciné ou sur scène, on peut dire qu'il a eu une année bien remplie. Slimane espère maintenant finir en beauté avec pourquoi pas un trophée au prochain Energy Music Awards. Le chanteur est nommé parmi les artistes masculins francophones et parmi les groupes de l'année pour Bella Ciao. Pour lui, c'est une véritable reconnaissance de son travail. Oui, bah moi, c'est moi les NMA. De toute façon, c'était une cérémonie que je regardais avec attention avant. Et à chaque fois, je me disais, si un jour tu y es, quand même, c'est bien. C'est une sorte de concrétisation. Et voilà, d'y être. Et en plus de ça, à côté de ce genre d'artiste, quand on voit un Maître Gims, un soprano, moi soprano ça fait des années que je l'écoute, donc être à côté c'est un vrai honneur, un vrai plaisir. Franchement, après si les fans arrivent à me faire gagner, je serai le plus heureux du monde, mais en tout cas je suis déjà très très content et très satisfait d'être là. Bon, l'interview signée Morgan Barthélémy, Slimane en lice pour 2 Energy Music Awards cette année, direction energy.fr si vous voulez le soutenir. 8h35, fin de ce flash, lundi 15 octobre, bon réveil avec Manu dans le 6-9, bonne journée. On va écouter Shawn Mendes dans 2 minutes et juste après les sondages du matin. Nous allons parler de route des vacances. C'est le sujet de dispute numéro 1 sur la route des vacances. D'accord. Quel est-il ? La réponse, ce sera dans les sondages du matin dans 5 minutes. Mmh. Avant ça, j'ai trouvé le top 3 des pires voisins selon les Français. Ah. Ouh là là. Je pense qu'on va pouvoir lancer, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, le livre des records des auditeurs. Ouais. Mmh. Le livre des records des auditeurs, c'est quand on a un sujet un peu comme ça, on se dit... qui a encore plus fort ? Ah oui. Ouais. Vous pouvez nous appeler au 0870 42 48 pour me dire, pour nous dire qui ou quel a été votre pire voisin et pourquoi. Mmh. Ouais. Okay. Voici le top 3 des pires selon les Français. Celui qui fait les travaux le dimanche. Oula. Ah ouais. C'est interdit. Oh. Alors je crois que c'est interdit, exactement. Ouais, c'est pas bien. Monsieur la loi. Nicole la loi. Interdit, monsieur. C'est pas bien. Moi j'ai une voisine qui faisait l'aspirateur, mais tous les dimanches à 8h précises, elle passait l'aspirateur pendant 1 heure. Assez tôt. C'est comme les travaux, quoi. C'est relou. Et pourquoi faire du bruit le matin, le dimanche ? D'abord, pourquoi se réveiller le dimanche matin ? La vraie question, c'est ça. Dans le top 3 des pires voisins, il y a aussi celui qui appelle la police au moindre bruit. Ah ouais. Ah ouais. Alors que si celui-là, il habite en dessous de celui qui fait les travaux le dimanche, je perds le commissariat du coin. Hein. Et je savais pas que ça existait, mais il y a aussi le tapage diurne. C'est-à-dire que tu peux porter plainte la journée. Mais t'as pas le droit de faire trop de bruit la journée aussi. C'est improbable, quoi. Si on peut plus faire de bruit ni la journée, ni la nuit, vivons seuls au fond des bois, quoi. La journée. Et si tu testais ? Ma Paulette. Top 3 des pires voisins selon les Français. Les couples qui se disputent en permanence. Ah ouais. C'est vrai que chiant. Quand t'es dans un immeuble et que t'entends tout le temps gueuler, c'est compliqué parce qu'en plus tu dis bon, et là je vais monter. Hein. Je vais monter, je vais dire. Ça se calme. Tu dis mais de quoi je vais me mêler ? Enfin, tu vois, c'est compliqué. Et à l'inverse, moi en ce moment, c'est les couples qui font l'amour très fort. Ça te déprime ça quand t'es célib et t'entends les couples qui font l'amour super fort. Tu dis bon, je vais monter. Quel est ou quel a été votre pire voisin et pourquoi ? Venez nous raconter ça. On ouvre le livre des records des auditeurs. 0 870 42 48. On va s'écouter Shawn Mendes et les sondages du matin. Et juste après, on vous prend au téléphone. 8h37. Bon réveil sur Énergie.

pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est pas la méchanceté des âmes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Bienvenue sur Énergie, 8h48, on va s'écouter ce qui semble être le hit de l'automne. Little bitches. Franchement, je vous l'avais dit. Ouais. Je vous l'avais annoncé. Bravo. Merci, ça me fait plaisir. The Prince Karma, Little Bitches, ça arrive pour vous dans deux minutes. Mais avant ça, on parle de nos voisins. Nous avons ouvert le livre des records des auditeurs. J'ai le top 3 des pires voisins selon les Français. Il y avait celui qui fait les travaux le dimanche. Il y avait les couples qui se disputent en permanence. Quel est ou quel a été votre pire voisin et pourquoi? Qui veut démarrer? Ouais, je suis chaud. Allez, Nico. Alors, vous allez me traiter de vieux con, hein. Mais moi, vieux con. Ouais. Ah, ça y est, c'est fait. Mais j'avais des étudiants, moi, qui habitaient sous mon appartement, qui étaient juste en dessous, et qui faisaient la nouba tous les soirs, quoi. La nouba. Ouais. Vieux con. La nouba. Ah non, mais c'était chiant, tous les soirs, tous les soirs. Tu sais, Nico. Ouais. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait 10 ans. 10 ans. Ouais. J'ai l'impression que tu vieillis beaucoup plus rapidement que normalement. C'est ouf. Mais c'est vrai que j'étais dépassé. C'est dingue. J'avais connu, j'avais 19 ans. Il y a 10 ans, jamais il aurait dit Nouba. C'est dingue quand même. Et même maintenant. Ouais. Oh. Ça se dit pas. Non. Ah ouais. La Nouba. Et puis tu deviens un vieux con. Hein. Un peu, ouais. C'est vrai que je suis un peu à cheval sur les lois. Et en plus, je crois qu'on dit Noumba et pas la Nouba. Non, non, on dit Nouba. Ah bon, dit Nouba. Ah, ouais. C'est l'erreur alors. Oh, j'ai toujours cru qu'on disait, bah excusez-moi, on oublie. Je t'en prie. Ouais. Tu vois, elle est plus vieille que moi. Mais alors peut-être qu'effectivement au XVIIe siècle, Isabelle, on disait Numba. Aurélie, bonjour. Aurélie? Oui, pardon. Y a pas de mal. Bienvenue, salut les ouin-ouin. Bienvenue sur Énergie, Aurélie. Tu es là pour nous parler de ton voisin, un ex-voisin, un nouveau voisin, bref, ça va pas. Des ex-voisins. Oui. Qui étaient des fous furieux. Ah. Et qui sont gueulés tout le temps. Mais quand ils sont gueulés, ils fracassaient tout dans leur appart. Ouh. Ah. Wow. Allez, tous les ils balançaient tout dans l'appart. La vaisselle, ça passait par la fenêtre. J'ai même vu une chaise un jour passer par la fenêtre. Non, il n'y avait personne sur la chaise. Non, il n'y avait personne. Bah, tu sais quoi, hein, vous avez jamais vu souvent des couples chez Ikea? Ouais, c'est eux. Bah, tous les week-ends, forcément, ils balancent tout par la fenêtre. Du coup, faut remeubler. Alors, merci de nous avoir appelé, Aurélie. Quel a été votre pire voisin, Glandu? Ah, moi, sans hésiter, c'était ma voisine du dessous. Elle nous avait convoqué avec mon ex pour nous interdire de tirer la chasse d'eau après 22h30. Wow. Ouais. Elle vous avait convoqué. Elle nous avait convoqué pour ça. Au début, on pensait que c'était un apéro. On arrive en disant ça va être un apéro. Et non, c'était ça. Elle nous avait en plus donné des patins pour nos chaises. Et elle est complètement folle. Oh. Elle supportait pas les bruits. Elle supportait pas. Et pas de pipi après 22h30. Le problème, c'est que dans certains immeubles, quand tu tires la chasse d'eau, c'est vrai que globalement tout le quartier l'entend. Ah bah oui, mais ça, je veux dire, on va pas arrêter de tirer la chasse. Si tu fais un petit pipi la nuit, tu peux ne pas tirer la chasse et tu le fais le lendemain matin. Ouais. Ah ouais. Voilà, nuit, après, faut qu'il y en ait qu'un, hein, t'as pas le droit de repasser derrière. Mais, ouais. Mais moi j'ai eu pire en termes de voisines qui sont. Attends, t'as eu pire en termes de voisines? Mon dieu! Chiant. Attention, nous venons de parler des voisins qui sont un peu stricts sur le bruit. Oui. Mais Paulette, elle a eu pire. Elle m'a envoyé des recommandés parce qu'elle ne supportait pas le vibreur de mon téléphone. Donc j'avais pas le droit de mettre en sonnerie, mais même le vibreur, si ça vibrait, s'il était posé sur une table ou quoi, ça la rendait folle. Et comment elle l'entend? Mais je sais pas, elle devait se coller à son plafond. Putain, merde, c'est une chauve-souris. Batman, habitant dessous de chez Paulette. Lisa, bonjour. Hello. Bienvenue sur Énergie, Lisa. Nous ouvrons le livre des records des auditeurs. Mon pire voisin, on t'écoute. Eh ben moi, mon voisin, c'est un voisin qui était fan de l'époque médiévale. Donc, il était à fond dedans. Je l'ai même, des fois, je le croisais, il était en tenue, là, avec tous ces trucs qui font plein de bruit, tout en ferraille, etc. Non. Oh merde. Mais si, ils faisaient leur soirée, et du coup, c'était à thème, donc c'était mon voisin de palier. Donc, j'entendais, non, ça criait. Ils chantaient leurs chansons d'époque super fort. Enfin, D'accord, c'est ok. Vrai, c'est étrange, hein. Ah bah oui. Nico. Ah ouais. C'est que quand tu ramènes un premier rendez-vous chez toi, faut le prévenir, quoi. Parce que si tu croises le mec qui descend les poubelles, non, c'est rien, c'est Patrick. Quand il descend les poubelles, il y a la musique, hein. Je suis le chevalier Patrick. Je descends les poubelles. Alors maintenant, Lisa, pour ce genre de personnes, si vraiment tu veux t'en débarrasser, t'installes un gros aimant dans l'escalier. C'est réglé avec l'armure. Merci de nous avoir appelé, Lisa. Belle journée à toi. Ciao. Ciao, 8h53. The Prince Karma sur NRJ. Bon réveil, c'est Manu dans le 6-9. What the hell do you mean I've gotta wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Later, bitches. Bitches. Bitches. Bon réveil sur NRJ, il est 8h56, attention, dans même pas 20 minutes, nous saurons la vérité sur cette chanson. Où êtes-vous, Lise des Lucs? San Francisco, chanson de Maxime Le Forestier. Ouais. Ouais. Ouais. Tout le monde la connaît. Ouais. Mais dit-il Lizard et Luc ou Lisa et Luc? C'est une question que nous nous sommes posées parce qu'on n'a rien d'autre à foutre. Avec Glandu, c'était vendredi. Dit-il Lizard et Luc ou Lisa et Luc? Où êtes-vous, Lisa et Luc? Je suis sûr que c'est Lizard. Glandu est sûr que c'est Lisa. Ouais. Et on a dit, qui de mieux que Maxime Le Forestier pour répondre à notre question? Maxime Le Forestier, on l'aura au téléphone dans 20 minutes. Ah ouais, génial. Oui, mesdames et messieurs. Non, parce que nous, quand on a une enquête à mener, on va jusqu'au bout. Bim. Où êtes-vous, Lisa? 8h57, on vient tout de suite sur NRJ. Manu dans 6-9. Ma Manu. Et les ouin. Manu dans le 6-9 sur NRJ. Partez à Los Angeles voir l'artiste NRJ Troye Sivan en concert. NRJ.